Fou 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. À m'y faire, à garder mon air. En attendant que quelqu'un me libère, j'ai dit amen. Faut tout recommencer. Les journées sont trop longues. Longues, longues, garde du long, long, long. Amen. Faut tout recommencer. Les journées sont trop longues. Longues, longues, garde du long, long, long. Et je veux pas finir comme ça. Comme un chihuahua, j'suis pas plus fort que ça, j'suis pas plus grand que ça. C'est plein mais c'est ça, va falloir vivre avec. J'vais recommencer l'histoire pour me faire des accrocs. Les chevaliers, les cowboys, les indiens, les paumés. Que personne ne meure en arrière du décor. J'ai dit amen, faut tout recommencer. Les jours sont trop longs, long, long, garde long, long, long. Est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Marie-Laurence Audet sera de retour avec sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Et Gabriel Béhoud nous amènera un invité spécial dans les coulisses de la huître. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 13 octobre 2015, 196 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien, Mathieu? Oui, comment se déroule ce début de matin pour toi? Écoute, hey, ça bouge pas mal. Hein? Je suis arrivée dans le pavillon ce matin et la première chose qui est arrivée quand j'ai ouvert la porte du pavillon, c'est que toutes les lumières se sont éteintes. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai absolument rien fait, mais il y a eu une panne de courant ici à l'université, donc c'est pourquoi un petit peu ce matin... On a eu de la musique avant qu'on parle. Un petit peu, tu sais. On commence, c'est chapeau de roue, je ne sais pas trop comment utiliser ça. Donc, il y a eu des alarmes qui sonnaient partout dans le pavillon. Ouais. Genre, c'est confus. Oui, maintenant que les agents de sécurité se promènent partout un matin pour savoir si tous les pavillons sont corrects. C'est l'apocalypse, mais cela étant dit, ça se peut qu'il y ait d'autres pannes d'ici la fin de l'émission. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y en a une, des fois, il y en a plusieurs. C'est possible. Donc, alors, on tient à vous dire que si jamais on disparaît, c'est peut-être juste qu'il n'y a plus de courant. Et c'est peut-être compliqué à redémarrer une station de radio avec des équipements aussi anciens. T'sais. Donc, à l'émission aujourd'hui, Tania, on a quand même une bonne émission pour vous. Oui, quand même. Dans une vingtaine environ, Marie-Laurence Audet va être là pour la chronique Le Loisir, bien plus qu'un jeu. Ça fait un mois qu'on lui a pas parlé. Oui. Parce que les loisirs existent encore un mois ça plus tard. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu Marie-Laurence, mais on est content de la revoir ce matin. Tout à fait. À 9h, Gabriel Béhul qui va nous amener un petit invité spécial. Je vous dis pas qui. Je vous pas, dis pas son comment. Cher acolyte. Ah, peut-être lui et d'autres. Oh, lui et d'autres. Parce que c'est pas celui qu'on a d'habitude. Ah, OK. Son invité spécial qui est son frère Gabriel Boutantrayout. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être à 9h pour la chronique d'improvisation dans les coulisses de la Huître. Il y a ta chronique à toi, Tania is gonna entertain you, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, je vous parle d'une nouvelle série télé, évidemment. Vous le savez, j'aime bien regarder différents types d'émissions. Mais cette semaine, ça va être très différent. Les deux dernières dont je vais parler, c'était beaucoup policier. Là, on change un peu tout ça. Ah, on change de genre? Ouais, on change de genre. J'ai bien hâte. Donc, Tania is gonna entertain you plus tard. Mais on débute l'émission tout de suite. Pendant qu'il reste encore une vingtaine de minutes, on a eu congé hier, lundi, pour l'Action de grâce. T'as-tu fêté l'Action de grâce? Absolument pas. Est-ce que quelqu'un fête encore l'Action de grâce en 2015? Je pense que ça se fête beaucoup plus en Ontario qu'ici au Québec. Hein? Probablement, hein, le Canada anglais. Ouais. Les traditions. Je pense que c'est ça, c'est plus fort de ce côté-là que de notre côté. Ouais. Mais bref, pour avoir quelque chose à dire là, de votre prochain souper de famille, peut-être. Hein? Oui. On va se donner des faits intéressants dans Ouh. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, selon Internet, bien sûr, les sources sur assemblagerequis.com. Commençons avec un premier fait bien simple, hein? Un scientifique de la NASA a fait une expérience pour voir quels animaux les chauffeurs, les automobilistes avaient plus de chances de frapper. Donc, le scientifique de la NASA a placé des faux animaux en caoutchouc sur les côtés de la route, sur les barres de la route, et nous apprend que 6% des chauffeurs les évitaient intentionnellement, donc ils contournaient un petit peu. Les tarentules étaient frappées le plus. Ah, ouais. Les tarentules, j'imagine que comme c'est petit, aucune chance qu'ils s'en sortent en dessous d'une roue. Je sais pas, mais c'est dégueulasse. Ouais. Excuse-moi, j'ai mal lu mon fait. OK. Déjà, ça commence mal, la chronique avec un fait mal lu. Mais 6% des gens vont intentionnellement prendre une courbe pour frapper l'animal. OK. Voilà. Une chance que je m'en suis... Ouais, c'est sûr que si ta tarentule est de la grosseur de la tête de quelqu'un... C'est ça. Tu sais, comme dans Harry Potter. Ouais, ça me fait quelque chose. Oh boy. Matériel accouchement, comme on dit. C'est ça. Leroy Irwin, un fermier de 92 ans qui vit à Allegan, dans le Michigan, a décidé de graver les dates importantes de la date sur sa pierre tombale avant de mourir. Parce que, étant donné qu'il n'avait pas d'enfant, il n'était pas sûr qui allait payer pour sa pierre tombale après sa mort. Il a gravé les dates 1856 à 1950, mais finalement, il était un petit peu trop optimiste parce qu'il est mort en novembre 1949, 7 semaines avant 1950. La date incorrecte n'a jamais été changée. La pierre tombale de Leroy Irwin avec la mauvaise date reste toujours au cimetière Hudson Corner Cemetery encore de nos jours. Non! Triste, hein? Mais il était proche. T'es proche. Il a rien gagné, mais il était proche. C'est ça. Il y a un dieu dans la mythologie égyptienne qui représente le concept de l'éternité, de l'infinité, des choses sans fin. Son nom est... H-U-H. H-U-H. C'est malade. S'il vient ici au Canada, par exemple, il la trouvera peut-être pas drôle. Est-ce qu'il y a un dieu du E, comme E-H, au Canada anglais? Je sais pas. Ouais. Mais ça se ressemble quand même, le hein ouais. et le hein. Hey. Un Canadian hein. That's right, hein. Un Canadian hein. ouais, à Taïwan. Oui. La génération fraise. Fraise. La génération fraise. Ici, on a génération X, Y, Z, peu ouais. importe. Donc, il y a un terme à Taïwan, la génération fraise. C'est pour ça qu'ils sont nés après 1981. Donc, ça nous inclut. OK. Ça nous inclut. C'est nommé en hommage des fraises parce que les fraises vont se faire, vont brunir facilement. Ne peuvent pas supporter la pression sociale ou de travailler fort comme la génération de leurs parents. Donc, c'est la génération des facilement blessés. Ouais, hein. Je suis comme d'accord avec ça. Ouais, pas mal, hein? Ouais. Ça ressemble à ça, sauf nous autres. Oui, sauf nous, évidemment, parce que nous, on est là ce matin, donc la pression sociale est là. C'est ça, exactement. On ne la suit pas. Faut que je m'assure de faire mes faits comme faut. C'est ça. Donc, la génération fraise, moi, je préférais la génération fraisinette. Ah, ben oui. Ben oui. Mais c'est peut-être pour ça? Peut-être. Peut-être. Peut-être. Que ça peut-être. Un homme nommé Robert Wiggin. Pas Wiggum, comme dans Simpson. Wiggin, qui a passé 3 ans en prison. Il a parti un site web. Tu peux faire ça en prison? Après, il a passé 3 ans en prison avant. Mais non, c'est bon point. Laissez-le. Tu suis, j'aime ça, tu suis. Donc, il a parti un site web qui poste des photos, des mugshots pris sur les sites web des départements policiers. Et il rend ça facilement cherchable sur des sites comme Google. Il va ensuite charger de l'argent pour faire enlever les images. Et étrangement, sa propre mugshot n'est pas sur le site. Oh. 2 poids 2 mesures. Ouais, mais il est plus là. Tu sais, il est plus en prison. Non, mais il a déjà été. Ok, ouais. Ouais. J'avoue. Je pense que ça reste, cette histoire-là. D'après moi, ouais, le mugshot, il reste quand même. Pas mal. Il y a plusieurs cosmonautes russes qui. Ceux qui ont duré longtemps en tant que cosmonautes russes. Qui ont dit que plusieurs mois après être revenus sur Terre, à l'occasion, ils vont lâcher les objets dans les airs en s'attendant à ce qu'ils flottent, comme dans le temps, qui était cosmonaute ou astronaute, dépendant des places. Ouais, c'est ça. Mais quand même, lâcher les affaires dans les airs parce que t'es habitué à ce que ça flotte. Je les comprends. C'est un peu stupide. Ouais, mais habitude dure à perdre. Ouais. Un père a forcé son fils à travailler. Jusqu'à la modernité, donc à la place de l'amener directement dans le présent, d'accord? Il lui a demandé de jouer à l'historique des jeux vidéo en ordre chronologique à la place de lui laisser jouer à n'importe quel jeu vidéo du présent. Donc le garçon a commencé à jouer à Galaxian de 1979 et a graduellement joué à tous les jeux jusqu'au présent. Son père voulait qu'il ait vécu l'histoire des jeux vidéo à la place de commencer avec les plus récents. Ben, c'est un nouveau cours d'histoire, ça. Ben, c'est ça. J'aime ça. Ça pour c'est les, cool, les films, les séries télé. Oui, oui. Faut que tu vives le passé pour mieux apprécier le présent. Ou pour le comprendre. Le comprendre, voilà. La Californie, le Maryland, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont décidé, il y a une loi, qui dit que les Ladies Night sont à l'encontre de la loi parce qu'elles sont discriminatoires envers les genres. On peut toujours avoir des Ladies Night, mais on n'a pas le droit d'offrir des rabais à un seul genre, à un seul sexe. Donc les Ladies Night, les prix, ça, c'est les mêmes pour tout le monde. Mais je peux pas dire que je suis contre l'idée en tant que telle, parce que les Ladies Night, on s'entend que celle-là est un peu sexiste. Là. Ladies Night, c'est comme genre, un peu réducteur. Mettons. Genre, les femmes boivent pour moins cher et les gars peuvent faire plus d'affaires avec ces filles-là, parce qu'ils sont sous, c'est quoi, c'est un peu sexiste. Ça. Ouais. Mais bon. Parlant d'être sous, tantôt, j'ai une anecdote pour toi. Vas-y donc tout de suite. Ah, tout de suite? Ben suite oui, on parle d'alcool. Okay. Mais cette fin de semaine, c'était la fête d'une de mes amies, alors je suis allée du côté de Montréal. Quoi, on la salue. Ouais, Cynthia. Encore une fois, joyeux 21e anniversaire. Mm-hmm. Elle est majeure aux États-Unis? Elle est maintenant majeure aux États-Unis. Eh oui. Et voilà. Fait que c'est pour ça que t'es amie avec elle. T'as parlé jusqu'à les 21 ans pour pouvoir être souhaitée avec elle. C'est elle qui vient à Las Vegas avec moi. Ah voilà. Ça donne une idée. Cool. Fallait qu'elle ait 21. Alors, en fait, on est allé. Ouais, c'est ça. On est allé du côté de Montréal. On est sorti. Puis, rendu vers. Quoi, je me souviens plus de l'heure, là, les petites heures du matin. On a appelé un Lyft qui était sa maman. Merci à sa maman d'être venue nous chercher au centre-ville. Drôle de nom d'ailleurs, ouais, sa maman. Mais bon. Sylvie. Salutations à Sylvie. Et puis, on attendait d'un côté de rue. Et une altercation entre plusieurs jeunes hommes est arrivée de l'autre côté de la rue, mettons. Ça a commencé à se battre, qu'est-ce que tu veux dire, bon. OK? Mais ça se battait pas, tu sais, comme à petits coups de feluette, mettons. Ouais. C'était-tu pour décider, genre, qui allait finir avec toi ou elle? On sait vraiment pas pourquoi ils ont commencé à se battre. Ouais. Mais il y avait une voiture à côté d'eux, puis de la voiture, il y a un gars qui est sorti un couteau, poignardé 2 fois un gars, rentré dans le couteau, puis il est parti. Je te jure, en direct, on a vu un poignardage. Ah. C'était assez... Je te dis, là, mon ami était comme sous le choc. Oui, et puis bonjour à tes 21 ans. Le gars qui s'est fait le poignarder s'est levé et est parti à courir après l'auto pour suivre le gars qui venait de le poignarder. Ouais. D'après moi, à un moment donné, il a commencé à réaliser qu'il était faible, tu sais. Fait qu'il est revenu. Mais il a passé par le côté de rue où nous, on était. Ouais. Fait que Tu sais, comme, je sais pas s'il a réalisé que son gilet bleu était maintenant rendu rouge. Mais ben il s'est... Ouais. Tu sais, il est comme tombé... Mauve, comme. Ouais, mettons, mauve. Il est tombé à côté de nous. Wow. Puis là, il y avait un autre gars avec lui qui était son frère. On a su ça plus tard. Qui était son frère, qui lui a appelé le 911. Et hey, ça a pas été trop long. La cavalerie a débarqué, genre camion de pompiers, ambulance, trois chars de police. Mais là, le périmètre de sécurité s'est fermé autour de nous. Je te dis, tu sais, depuis quelques semaines, je vous parle d'émissions policières, je me sentais comme dans CSI. Pareil comme dans CSI. Et le punch, c'est qu'à la fin, c'était toute une joke, c'était comme un bachelorette party, mais à la place d'être des polices, c'était des gars qui se poignardaient, c'est ça? Non. Hey, je te dis, c'était assez quelque chose. Là, on s'est toutes fait interviewer par les policiers qui étaient là, en fait. Fait qu'ils ont tout. Tu sais, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler à la radio ce matin, mais ça me surprendrait qu'ils écoutent la radio à Trois-Rivières. Alors, en fait, on s'est tous fait demander qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'on était sur quoi? On a tout vu. C'était vraiment bizarre. On a juste pas pensé à prendre la plaque du gars qui est parti. Ouais, ou à filmer. Ou à filmer, oui, évidemment. Pourtant, ta génération, hein? Les générations fraises. Il y a un de nos amis qui a été au poste de police avec eux pour comme faire toute la déposition au complet, puis tout ça. Puis il était avec le frère de la victime, qui lui était dans l'ambulance, là, évidemment. Je sais pas s'il est correct ce matin. Tu sais, c'est le genre d'anecdote que tu fais « Ah, OK, c'est arrivé », sauf que t'aimerais ça savoir si, ouais, tu sais, le gars, il a laissé sa peau ou non. C'est arrivé quand? C'est arrivé samedi soir. Samedi soir, est-ce que tu as regardé les nouvelles? Sur le coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. On va voir les bulletins de nouvelles de Montréal du lendemain et du surlendemain. Ouais, j'aimerais faire ça. Bonne idée, hein? Mais hey, ça n'a pas été long non plus que la cavalerie de caméras ait débarqué là, mon ami. Il y avait comme 12 caméras autour de nous. On était comme... C'était... ouais, c'est une expérience que je pensais pas j'allais vivre, de voir quelqu'un poignarder quelqu'un d'autre. Tu veux comme pas vivre ça, ça nécessairement, ouais. Floc, floc, tu sais, bing bang, on rentre dans le char, ça va... Happy fucking birthday, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est mon anecdote de la fin de semaine. Bon appétit. Bon matin. Un dentiste canadien. Oui, les dentistes. On a su que monsieur qui a tué Cecil, le lion, n'est pas trouvé coupable de rien. Hein? On l'a su, ça. Mais bref, il y a un dentiste canadien qui a payé 31 000 $ pour la molaire de John Lennon. Il prévoit l'utiliser pour cloner John Lennon. Bon, écoute. Hein? Bon, pourquoi pas? On n'est pas tous intelligents. Ben là. En 1989, une femme de Los Angeles a reçu un appel téléphonique de son beau-frère disant que son ex-mari, à elle, allait venir chez elle la tuer. Quoi? OK, on recommence. En 89, une femme de Los Angeles qui reçoit un téléphone de son beau-frère qui dit que son ex-mari, à elle, va venir le tuer. Ouais. Elle compose le 911. Elle se fait dire qu'on peut rien faire jusqu'à temps que le gars arrive à la maison. OK. En 15 minutes, il est arrivé, il l'avait tué et 4 autres personnes. Wow. Wow. Hein? C'est gore un matin. C'est très gore un matin, notre enfant. En 2006, un étudiant médical nommé Brian Schaefer était introuvable. Encore aujourd'hui, il n'a pas été trouvé. La partie la plus folle là-dedans, c'est qu'il a été vu pour la dernière fois alors qu'il est entré dans un bar de Columbus en Ohio, un bar populaire, donc dans une partie du campus qui est rempli de caméras de surveillance. Il y a un clip vidéo de lui en train d'entrer dans le bar, mais on ne le voit jamais sortir. C'était en 2006, on ne l'a jamais trouvé encore aujourd'hui. Peut-être des conduits d'aération. Peut-être, oh! Appelé Mulder Scully. Ouf. Un garçon de 5 ans en Inde est tombé endormi dans un train et a fini perdu et seul à Calcutta. 25 ans plus tard, il a finalement retrouvé son chemin en utilisant Google Maps. OK. Ça s'est passé, donc il avait 5 ans. Il y a 25 ans. Il y avait 5 ans. Donc il est rendu à 30 ans. Vu la technologie, hein? Orlando, un chat roux, a compétitionné et a gagné contre des professionnels qui choisissent des indices en bourse pour faire leurs affaires en bourse, tu sais. Les pas miser, là, mais tu sais, un peu investir son argent en bourse, la chaîne d'argent, tu sais. Donc, le chat roux a compétitionné contre ces gens-là. Le chat a choisi au hasard, alors que les professionnels utilisaient les techniques les plus connues du monde boursier. À la fin de l'année, le chat avait un profit de 542 livres et 60 comparé aux professionnels qui avaient fait 176 livres et 60. Hein? C'est quadruple, je pense. Mettons. 176 fois 4, ça fait genre... Mais comment? Le chat, lui, il allait vraiment de façon, là... Aléatoire. Exact. Ah, ouais. Eh oui. Une femme du New Jersey a roulé... Tiens, parlant de hasard, on reste un peu dans le domaine du hasard. Une femme du New Jersey a roulé une paire de dés 154 fois de façon continue sur une table de craps sans perdre une seule fois. Son record de 154, donc, a été confirmé comme étant un record. La probabilité que ça arrive 154D sans perdre. C'est de 1 sur 5,6 milliards. Milliards avec un B, billion. Ouais, billion. C'est incroyable. Sérieux. Coup de chance, là. Je sais pas si c'est la chance du débutant. Peut-être. On sait pas. On veut tous lui demander dorénavant. As-tu gagné de quoi au moins après ça? Ah, l'histoire le dit pas. C'est ça. C'est ça, ah, c'est j'avoue. C'est un peu. T'as rien qu'à perdre la 155e fois parce que t'es pas capable d'arrêter. Ben exact. Et tout ça selon le Wall Street Journal, quand même réputé. Les Romains. Hein? Toi qui aimes les jeux de mots de salade romaine. Mm-hmm. C'est quoi déjà ton jeu de mots? Je m'en souviens plus. Ah, avec romaine dedans. Oui, je sais, mais... Qu'est-ce que t'as bu samedi soir du romaine coke? Okay. donc, les Romains croyaient que les cils... Même pas. Non, c'est quoi du romaine, ça va là? Gin tonic. Donc, les Romains, Tania, croyaient que les cils tombaient lorsque tu avais des relations sexuelles à outrance. À cause du gin tonic. Donc, les femmes utilisaient de la cosmétique, mais du maquillage pour faire que leurs cils aient l'air plus longs. D'accord? Et pour montrer leur chasteté, donc le fait qu'elles étaient vierges, du maquillage pour allonger les cils. Elles mentaient. Mettaient du mascara. Ouais. C'est peut-être là qu'elle mascarait née. Ouais, mais tu sais, je pense pas qu'à l'époque des Romains, on appelait ça du mascara. Non, mais c'est peut-être là que c'est né. Ah, peut-être, oui. C'est peut-être une gelée de quelque chose, du miel, je crois. Noir. C'est ça, on sait pas. Il faudrait approfondir cette petite histoire. En fait, si tu veux approfondir, je t'ai mis le lien sur assemblagerequis.com. La page Wikipédia s'appelle Cosmetics in Ancient Rome. Cosmétiques en Rome antique. On aime ça. Ben oui. Un groupe de funk a sorti un album sur Spotify. Ça consiste en 10 pièces de musique qui sont complètement silencieuses. Elles encourageaient leurs fans à jouer ça en boucle dans leur sommeil et ils utilisaient l'argent qu'ils faisaient pour payer leur tournée qui n'avait aucun frais d'admission. Ouais, mais attends, c'était du son, c'est tout? Ben, c'était du silence. Veux-tu qu'on écoute? Ouais, c'est t'as-tu ça. Un extrait? C'est sérieux, c'est ça? Ça se paraît pas. Non, c'est pas sérieux, c'est le gag que je fais à chaque fois qu'on parle de choses de silence. C'est juste moi qui fais ça. Qui me dit... Naïve! Je le fais à chaque fois en plus. Mais c'est vraiment marqué 10 completely silent tracks. Ouais, je sais. Fait qu'il y a rien sur les. Avec argent. Mais ça fait de l'argent quand même parce que sur Spotify, quand t'as écrit tes chansons, tu reçois des centièmes de cents, j'imagine, à chaque fois que ça joue. Ouais. Hey, hein? Ça a réussi à ramasser de l'argent pour leur tournée, puis il n'y avait aucun frais d'admission. C'est T'es fou. Impressionné. Je suis très impressionné, mais est-ce qu'en tournée, ils jouaient de la vraie musique? Oui, j'ose espérer que oui. OK. C'est un peu plate, ça. T'achètes ton billet, puis finalement, c'est du silence les pendant 2h30. Les gens demandent un remboursement, puis là, les gars, ils disent, ben là, vous attendiez à quoi? Remboursement! C'est ça qu'on vous a fait. C'est ça, exactement. Vous avez mis le CD sur Spotify. Les médecins, les docteurs qui ont proposé à ce que les professionnels de la santé lavent leurs mains avant de toucher à des patients se sont tellement fait moquer d'eux-mêmes par leur père, le docteur, pardon, c'est pas plusieurs, c'est un seul médecin, qui l'a capoté, il a eu une... il a viré sur le top, il a perdu la tête, il a perdu la carte, peu importe. Dépression. Oui, il est allé en institution, donc en asile. Mais non. Oui, il est mort d'une plaie qui n'a pas été traitée correctement. Donc, je sais pas si c'est parce que c'était pas lavé les mains. Exact. Donc, malheureusement, ces mots de vérité ont probablement sauvé des vies, mais ça n'a pas réussi à sauver sa vie à lui-même. Mais non. Mais... Fait que c'est grâce à lui que tous les médecins se lavent les mains au moins 142 fois par jour. Exactement. Est-ce que tu connais la Fordite? La Fordite Fordite? Non. Non, c'est pas une sorte de char, là. T'as essayé de chercher et voir si c'était ça, mais non. On appelle ça aussi le Detroit Agate, l'agate de Détroit. C'est fait à partir de vieilles peintures d'automobile qui a été durcie et suffisamment coupée et polie. Donc, c'est utilisé par plusieurs artistes pour faire des bijoux. Bon, tu vois, ça a quand même un lien avec les voitures. Oui, exact. Vous pouvez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est très psychédélique. Les peintures, c'est vraiment comme pas impressionnisme, un peu genre... c'est quoi l'art où c'est à peu près n'importe quoi, là? De l'abstrait, genre. C'est un petit peu comme de l'abstrait. Ouais. Bien dit. Les photos sont sur le site assemblagerequis.com. Mais c'est beau, par exemple. Oui, j'aime ça, c'est très joli. Il nous en reste deux derniers. Le roi Gustave III de Suède a demandé de faire une expérience pour prouver que le café était poison. Non, c'est pas poison, on peut le prouver. Je sais. Donc, surveillé par deux docteurs, un prisonnier a été forcé à boire trois carafes, donc de café par jour, jusqu'à ce qu'il meure. Le docteur et le roi sont morts avant le prisonnier. Bon, tu vois. c'est juste la preuve que finalement le café c'est bon. C'est ça. Donc c'était deux physiciens qui ont été qui se sont fait demander de faire cette expérience là et ramasser leurs résultats, envoyer ça au roi. Les deux docteurs sont morts présumément de causes naturelles alors que avant que l'expérience puisse être complétée. Gustave III, qui avait été assassiné en 1792, est aussi mort avant de voir les résultats finaux. Donc les deux physiciens étaient des jumeaux. Celui qui buvait du thé a été le premier à mourir à l'âge de 83 ans. La date de mort de l'autre, qui était celui qui buvait du café, est toujours inconnue. Quand même intéressant d'avoir pris des jumeaux en plus pour l'expérience. Et finalement, Julius Yego. Oui, hein? Oui. Ben oui, on le connaît tous. C'est un lanceur de javelot du Kenya. OK. Qui a appris le sport et la technique en regardant des vidéos sur YouTube. Il a compétitionné aux Olympiques de Londres et il a gagné en 2015, cette année, les championnats du monde. On l'appelle Monsieur YouTube Man, ce qui est un petit peu redondant, Monsieur YouTube Man, mais quand même. Il fallait voir un petit documentaire de lui sur assemblagerequis.com. C'est quand même cool. Félicitations, YouTube. Ça. Détermination. Et voilà. Et voilà. C'est tout pour cet fait. Encore une fois, les liens tous sur le site assemblagerequis.com. Au retour, Marie-Laurence Audet et la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu, elle est de retour. Oui, oui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu avec nous, mais là, on le disait ce matin, on est content qu'elle soit de retour. On va en profiter. Restez là. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki, on est mardi 13 octobre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Toujours pas eu de deuxième panne de courant dans le pavillon depuis... On est correct jusqu'à présent. Depuis 7h30, tout va bien. Tout va bien. On va espérer que ça continue comme ça. On a justement notre chance avec nous, c'est comme elle a deux pattes de lapin. Ah. Une après chaque pied, tellement chanceuse cette fille-là. C'est Marie-Laurence Audet, je sais pas. Voici les loisirs bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence, oh des pattes de lapin! Bon matin! C'est ton nom de famille dorénavant. Oui! Oui! Comment ça sur Facebook? C'est ça, Pauvel qui arrive puis qu'on fait des jokes. Ça fait un mois qu'on l'a pas vu puis on saute dessus avec des jokes. Ben, tu as sauté dessus, ouais, c'est ça. Ne me mets pas dans ce bateau. Ah, mais t'es associé à moi vu que t'es mon associé à moi. Donc, Marie-Laurence Audet, bonjour à toi. Bonjour. On parle de divertissement, de bénévolat, de job à l'extérieur de la job. De plein d'affaires comme ça. Comme toujours. Mais en fait, c'est vraiment dans le contexte, comme on a... c'est pas la première fois que je le dis, mais mon temps d'austérité est découpé partout. Ouais. Puis, il y a une étude qui a été écrite par Jocelyn Garneau, qui est un étudiant à la maîtrise en loisirs. On le salue. Bonjour, Jocelyn. Qui est chargé de projet aussi à l'Observatoire québécois du loisir qui est situé à l'université. Puis, ça porte sur des propositions de modèles de coopération intermunicipale. Donc, comment, entre municipalités, on peut s'aider à travers les services qu'on offre au niveau du loisir au Québec. Parce qu'on est tous dans le même bateau, fait que si on met tout chacun notre port dans le bateau, À un moment donné, on va ramer plus loin, c'est ça. Ah, wow, que d'analogie. Moi, j'allais dire que crime, tant qu'à couper dans tout, il pourrait couper avec des ciseaux à bourron, ça serait peut-être moins violent. Ça prendrait plus de temps. Ah oui? Ben, on aurait le temps de se préparer. Ben, c'est ça. Voilà. T'avertis avant. Fait que, tu sais, dis de même, là, c'est long, là, les modèles de coopération intermunicipale, c'est quoi ça? C'est qu'on veut vraiment améliorer une offre de service. Nous, on vise aujourd'hui les offres de services en loisirs. Puis ça peut être des ententes formelles ou informelles en différentes municipalités. En fait, je vous parle plus précisément de la réalité des municipalités qui sont des territoires où est-ce qu'il y a moins d'habitants. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout d'abord, la population du Québec est composée majoritairement de zones urbaines, si on se le cache pas. Sauf qu'il y a quand même 25 % du territoire qui est considéré comme des zones rurales. Et ça, ça fait en sorte qu'à peu près 2 millions de personnes qui vivent en milieu rural et qu'on a sur 1100 municipalités au Québec, devinez combien il y a de municipalités qui sont de moins de 10 000 habitants. Ah mon Dieu, il doit en avoir quand même pas mal. Ouais, mettons, combien sur combien? Sur 1100 municipalités, combien sont composées de moins de 10 000 habitants? Est-ce qu'on y va dans le bas de l'échelle un peu? Mettons, dans les 350. Ouais. Mettons. Attends, allons-y. Monte. Mettons 500. Mettons qu'on dirait 500. Mettons tu doubles. Mettons qu'on dirait 1000 après, Tania. Mettons qu'on y va à 1000. Sur 1100 municipalités au Québec, il y en a 1000 qui sont composées de moins de 10 000 habitants. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des zones où est-ce que tu as des gros territoires, tu as peu d'habitants, et dans des réalités, des contextes comme présentement en Cooper, c'est les plus affectés parce que les budgets des municipalités sont majoritairement reçus par les taxes foncières, donc par nombre d'habitants sur le territoire. Donc, moins il y a d'habitants, moins la municipalité a d'argent, ce retour financier-là. Et ils ont quand même des services communs à offrir. Que tu aies 1000 habitants sur ton territoire ou que tu en aies 200 millions, il faut que tu aies un service d'aqueduc. Il faut que tu aies un service de voirie. Il faut que tu aies un service des loisirs qui fait qu'à un moment donné, il y a des frais fixes qui t'étouffent à la longue parce que tu n'as pas le choix d'offrir ces services-là, mais tu n'as pas de retour financier équivalent à une proportion comme ça. Vive les fusions! C'est un peu ouais, c'est ça. On ne pourrait pas fusionner ceux-là, maintenant? On peut pas tout fusionner à un moment donné, mais une seule grande ville. De proposer cette solution qui est une coopération intermunicipale, c'est une sorte de fusion informelle aussi qui dit on va s'aider à travers différents services, mais pas sur l'ensemble d'eux. On perd pas non plus l'appartenance aux différents territoires, on devient pas un seul bloc, le Québec. T'sais, on devient on a quand même des réalités de différents territoires qu'il faut conserver, on a un patrimoine, on a plein de choses. Mais là, il y a 1000 municipalités sur 1005 qui ont moins de 10 000 habitants. C'est certain que ce nombre-là va aussi diminuer avec les années, parce que oui, il y a des fusions malgré nous, mais aussi moins de naissances. On a aussi les malgré ce que Facebook en dit. Oui, on a moins de naissances. On a aussi beaucoup d'exodes ruraux, donc les jeunes qui décident d'aller en zone urbaine, soit étudier et qui ne reviennent pas, ou juste travailler parce qu'il y a plus d'opportunités d'emploi, ou parce que les centres où est-ce qu'ils contiennent les universités font en sorte qu'il y ait un exode rural. Sinon, on a aussi que les immigrants arrivent plutôt en grande majorité dans des zones urbaines que dans des zones rurales, parce que c'est plus là qu'il y a de l'emploi. Donc, pour tous ces éléments-là, on a 1000 municipalités présentement qui ont moins de 10 000 habitants. Ça risque de diminuer dans les prochaines années, mais c'est quand même un nombre qui nous alerte, qui nous alarme, parce que là, en ce moment, ce que je vous parle, ça ne concerne pas juste deux territoires, ça en concerne beaucoup. Donc, ça, je vous ai dit, par rapport aux différents services qu'ils devaient offrir, j'avais un exemple, la police. Il y a chaque grosse ville a son service de police, mais quand il y a des petites municipalités qui n'ont pas assez de gens pour offrir leur propre service de police, ils vont avoir la Sûreté du Québec qui va gérer leur zone. Mais on a ça, on a par exemple aussi dans le milieu du loisir, tu as des places qui n'ont pas de ressources. On va prendre l'exemple d'un aréna. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se permettre la construction d'un aréna dans leur village, mais tu as d'autres mondes que c'est ils ont l'argent, ils ont la place, mais ils n'ont pas le bassin de personnes pour l'utiliser, soit en tant que joueur, soit en tant que spectateur, fait qu'ils ne sont pas plus avancés. Alors, ce genre de coopération intermunicipale-là permettrait, par exemple, qu'on mette une aréna dans une place, mais qui serait offerte aux municipalités autour pour le même prix que les habitants de la place. Donc, voilà pourquoi ça pourrait être une solution à envisager. Il y a aussi, on s'est dit, ce serait quoi les conditions à prendre en considération pour mettre en place ce genre d'entente-là? Parce que c'est pas si évident. Ça prend du temps, mais surtout, ça prend de la confiance entre les municipalités. Puis une confiance, comme dans n'importe quelle relation, ça se bâtit pas du jour au lendemain. Non. Ça se bâtit avec le temps. Et tout le monde veut tirer un peu sa part de la couverte, sauf qu'à un moment donné, on peut pas se ramasser tout gagnant sur le même bout de la couverte. Donc, comment chacun peut en ressortir gagnant? Ils ont fait un sondage de l'Observatoire québécois du loisir auprès des professionnels en loisir qui œuvrent en milieu rural. Donc, ces gens-là qui ont les deux pieds sur le terrain. Puis on dit, selon 11 conditions qu'on vous propose, lesquelles qui seraient en tête de liste à prendre en considération si on voudrait mettre en place une telle coopération. Le premier qui est ressorti, c'est de conserver de l'animation sur son propre territoire. Même si tu décides de fusionner 2-3 municipalités sur une offre de services de loisirs, on ne peut pas se permettre qu'un des territoires n'offre plus du tout une vie dynamique à ses citoyens parce que les gens vont juste se détacher, vont partir de là, vont avoir une appartenance envers cette ville-là. Faut que malgré que ce soit, fusionné, qu'il y ait une coopération, qu'il y en ait sur chacun des 2, 3, 4, 10 territoires qui vont partager les services. Est-ce que l'aréna est à un? Est-ce que le centre des loisirs est à l'autre? Est-ce que la piscine est à l'autre? On se partage l'ensemble des services pour que ce soit toujours aussi dynamique. D'avoir aussi un poids décisionnel dans les décisions. Après, on ne veut pas juste investir un montant d'argent puis à un moment donné qu'il y en ait juste un qui gère 10 territoires. Chacun veut avoir encore son mot à dire parce que ça le concerne ses habitants. On veut que l'autonomie des partenaires impliqués ne diminue pas. C'est un gros commanditaire dans ta municipalité. puis que tout se passe dans la municipalité d'à côté, ça se peut qu'il n'ait plus le goût de donner autant d'argent parce que sa visibilité ne lui servira pas. Les gens ne viendront pas à son restaurant ou à son magasin de souliers s'il y en a un plus proche de l'aréna ou de la piscine qui a été offerte dans une autre des municipalités. Sinon, les gens veulent recevoir des services qui sont équivalents aussi au montant qu'ils investissent dans cette coopération-là. Ils veulent pas avoir l'impression de payer trop cher parce que un autre des points était, si ça devenait plus cher que eux-mêmes offrir tous ces services-là, ça sert à rien cette coopération-là. Il faut que tout le monde soit gagnant, tout le monde paye moins cher pour plus de services, pour une meilleure qualité à offrir. Donc, on veut continuer de dynamiser le territoire. Puis, encore une fois, on veut diminuer jusqu'à voir disparaître. Vous savez, quand il y a toujours un prix membre et non membre, quand tu viens du village, par exemple, ta piscine est gratuite, mais si t'es de l'extérieur, c'est 2$. Bien, on veut éliminer ces frais-là si on veut partager les infrastructures aussi. Sinon, les objets d'entente qui pourraient être gérés ensemble, ça serait autant l'embauche du personnel, donc une même personne pourrait être dans un territoire, travailler dans l'autre. L'accès à des infrastructures, l'accès à de la programmation. Il ne faut pas oublier que notre priorité reste d'offrir à la clientèle, d'offrir aux citoyens un service. Fait que si on fait juste se tirer la couverte au niveau gestion, puis qu'on n'offre rien de mieux, les gens ne seront pas plus heureux. On veut autant attirer les gens dans notre municipalité, mais on veut les retenir aussi. On veut qu'il y ait une appartenance à leur municipalité. Les éléments aussi de construction, de gestion, donc ça peut se partager les coûts, mais on veut, comme on a dit, des infrastructures, des programmes, des programmations qui sont vraiment offertes partout. Des promotions puis diffusion aussi. On ne veut pas que ce soit juste la promotion dans une des municipalités. On veut que tout le monde qui est concerné dans cette coopération-là ait accès à la même promotion, à la même diffusion, que ce soit par les médias, que ce soit par des pamphlets qu'on distribue. Il ne faut pas juste que ce soit dans une zone. Il ne faut pas oublier l'ensemble du nouveau territoire qu'on crée. Puis on veut aussi des événements ponctuels organisés en commun. Donc, pas juste de dire « OK, l'aréna est là, la piscine est là, ces infrastructures vont se gérer tout seul. » Il faut qu'il y ait aussi du côté humain qui sollicite les gens. On fait un festival de quartier, mais là, ce sera plus juste le festival de quartier, ça va être le festival des quartiers. On va faire une fête d'Halloween qui va rassembler tout le monde. Donc, c'est vraiment aller au-delà de la bâtisse puis des briques. Puis le prêt de matériel aussi, on en est tous gagnants quand on utilise le même matériel, mais pas tout en même temps. Je veux dire, le frais, au final, il se diminue. Là. Fait que le principe d'une colocation aussi, quand on a à séparer le hydro puis la télévision, ben à un moment donné, tout le monde en est gagnant que si tu vis tout seul, il faut que tu payes le plein prix. Donc, la vie d'adulte, oui. Oui, la vie d'adulte. Mais quand on n'est pas des adultes, on peut se permettre de diviser ça. Donc, dans les différents modèles de coopération, parce que ça reste une solution, je dis, pour certains utopiques, qui se disent, ben oui, c'est bien beau, mais comment on fait pour la mettre en place aussi? Facile à dire, hein? C'est ça, on l'a dit, il y a la confiance qui est à développer, on a beaucoup d'éléments qui prennent du temps. Mais est-ce qu'on est obligé de tout de suite s'embarquer dans une machine administrative très lourde, très bureaucratique, sans savoir s'il va y avoir des retombées positives pour notre municipalité? Fait que ce qu'il y avait comme proposition, c'est qu'on pouvait commencer aussi par des ententes informelles. Gars, toi puis moi, on se connaît, on sait qu'on travaille bien ensemble, on est chacun maire de notre village. Est-ce qu'on peut commencer? Essayer un peu, ça. On essaie. Fait qu'il existe ce qu'il disait des ententes informelles, c'est de conclure un marché rapidement entre au moins deux territoires. Puis à ce moment-là, tu laisses de côté toute la lourdeur administrative et bureaucratique. Fait que si ça fonctionne pas, t'auras pas enclenché soit des dépenses, je dis, plus inutile ou plus facile à couper, tu testes. C'est difficile à annuler si c'est vraiment une grosse affaire. Ouais, quand tu as un contrat de signé pour 10 ans, est plus difficile à gérer. Bonne idée. Sinon, tu as des accords de coopération qui sont beaucoup plus formels que l'entente informelle, sauf que c'est encore un processus de partenariat qui est dans le but de tâter le terrain puis d'essayer. Donc, un accord de coopération, c'est vraiment dans le but d'augmenter la qualité des services parce que là, chacun va avoir déjà investi de l'argent, chacun va avoir débuté des constructions. Mais on est prêt aussi, c'est pas comme un bail ou un contrat, on est prêt à voir ce que ça donne et à changer les choses. Sinon, après, tu as plusieurs ententes plus formelles qui vont jusqu'au juridique. Mais c'est de prendre en considération qu'il n'y a pas juste le gros aspect formel qu'on essaye-tu, on n'essaye pas, sinon on vient de perdre des millions. On peut tenter le terrain, on peut essayer. Et c'est pourquoi que l'Observatoire québécois du loisir a décidé de mettre en place, mais présentement, il est en développement, il va être bientôt mis en place, une boîte à outils, qu'ils disent, qui est avec la documentation puis des outils sur comment implanter un modèle de coopération dans les municipalités. Fait que les gens qui s'y connaissent pas, soit que t'es maire de la place, soit que t'es responsable des loisirs, soit que t'es responsable d'un des services, que tu te dis, on pourrait s'entraider avec les villages d'à côté. Il y a des étapes à quoi suivre, comment mettre en place ce plan de coopération intermunicipale-là. Donc, avec cette boîte à outils-là qui va être disponible aux différentes municipalités dans les zones rurales, ça va outiller les gens et, dans le fond, peut-être leur donner le goût aussi d'essayer, parce qu'on disait que c'est une solution qui pourrait régler beaucoup de problèmes, mais qui est très peu exploitée. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas connue des gens? Est-ce que c'est parce que ça ne fonctionne pas? À un moment donné, il faut l'essayer, parce que, comme dans n'importe quoi, si on n'investit pas, on ne peut pas faire d'argent, tu sais. C'est sûr. Faut tenter, faut essayer. Alors, c'est ce qu'on propose ce matin, puis je pense que c'est vraiment d'actualité parce qu'il y a des coupeurs partout, puis que là, je parle du service des loisirs, mais comme on disait, que ce soit un service d'aqueduc, un service de voirie, un service sanitaire aussi au niveau des poubelles, à un moment donné, c'est des frais qu'on peut diviser entre les gens, puis tout le monde en est gagnant. Donc, ça fait plus d'emplois, des emplois aussi à temps plein pour ces gens-là qui travaillent, au lieu d'avoir plusieurs petits chiffres coupés parce que c'est un petit territoire. Puis ça revient moins cher pour les citoyens. Bon, c'est peut-être pas si utopique que ça, donc c'est peut-être pas un rêve si loin de notre portée. Mais c'est ça, c'est quand même très faisable aussi. Hein, c'est très, très faisable, mais pour plusieurs, c'est utopique de dire « Est-ce que je vais vraiment essayer? » Tu sais, celui que j'ai tantôt qui a l'argent pour bâtir son aréna, mais qui a pas le bassin. S'il est en place pour tester, puis qu'il n'y en a pas de bassin de population qui vient voir les games, okay. Ou qui... Il y a quand même des... Je pensais que tu disais qu'il n'y avait pas de bassin. J'étais comme pauvre gars. Hein. Directement du ventre aux cuisses. C'est plate un peu. Fait que tu sais, dans ce moment-là, c'est est-ce que tu te permets d'investir? Sauf que si tu as l'accord de 3-4 municipalités autour qui disent « Regarde, on va tout investir un montant. On va tout faire le test ensemble. Puis s'il y a de quoi, on va se rediviser les coûts. On va aller chercher chacun des commanditaires. » Tu sais, à un moment donné, c'est plus réaliste. C'est de prendre des chances, mais qui au final vont être plus gagnantes. Faut pas non plus toujours attendre. Puis, soit les maires ou autres, dans des villages, c'est pas là éternellement. Donc, t'essayes. Il faut que t'essayes de faire avancer les choses si tu veux conserver les villages. Puisqu'on l'a dit, avec l'exode et tout, on va en perdre aussi les villages. Ça va en faire des fusions. Fait que si on veut les conserver, je pense que chaque patrimoine peut être conservé si on partage des ressources de ce genre-là. Ouais. Pas que ça devienne des villes fantômes avec l'Halloween, non. Ça s'en vient, tout ça. Ouais, Donc, Marie-Laurence Audet, on parle de loisirs chaque deux semaines. Oui. C'est toujours les mardis à 8h. Oui. Et on te retrouve dans deux semaines. Oui. Là, ça va être vrai. Là. Oui. Toutes les deux semaines. Jusqu'à la fin de l'année. Oui. Ah oui. T'as vu, il reste comme 196 jours avant la fin de l'année scolaire. Tu fais le décompte un matin? Non, il fait le décompte à chaque matin. C'est drôle. Hein? 196? Oui. Hey. Bref, merci beaucoup, Marie-Laurence Audet. C'est un plaisir. Et on a dit tantôt que c'était peut-être utopique, peut-être un rêve. Donc voici Dream Lover de Destroy. Here comes the sun. Destroyer avec Dream Lover, assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Oui, oui, c'est tout à fait vrai, c'est l'émission comme ça qui débute votre journée, hein? Eh oui. Tous les matins? Tous les matins. Hein? Même si hier, on n'était pas là. C'est ça. Puis le vendredi, ouais. Mais c'est les meilleurs moments le vendredi. Ouais. C'est ça, je m'arrête. Le vendredi, on est quand même là. Mais ceux qui ont écouté hier et qui se demandaient, mais coudonc, vous étiez en nombre quand même, comment ça que tu dis que tu n'étais pas là hier? T'sais? Hier, il y avait une émission spéciale de 3 heures sur une grosse pointe d'adresse. Oui, c'est et vrai. Vous pouvez aller l'écouter sur assemblagerequis.com, cette émission-là, qui a joué pour l'instant une fois. Et puis peut-être qu'elle rejouera éventuellement dans le coin des fêtes, peut-être. Peut-être. Qui sait? Comment savoir? Comment savoir quoi lire, quoi regarder, quoi faire, quoi écouter, quoi peu importe. Ouais. C'est Tania qui vous en parle. Alors, Tania is la gonna entertain ya. Oh, c'était une petite Tania. Ah oui, c'est vrai. Qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école. Et puis maintenant, à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. On va la refaire. On va la refaire, j'ai dit qu'on allait la refaire. Ouais, voilà. Ça va être là. Non, ça marche pas, il n'y a pas de début là. Non. La la la la, ça a raté comme le masque. La la la la la la la la la la la. And she's gonna entertain ya. Tania Beaudin, là, sur cette intro complètement ratée de chronique, là, dont je ne suis c'était pas fier. Pas ta meilleure, hein? Pas ma meilleure. Ben, c'est ça. Je l'ai fait à chaque jour depuis le début de la saison, presque, la deuxième presque. Semaine. Ouais. Peut-être, moi. Ouais, c'est pas. C'est pas sûrement au fond de la liste. Ben oui, mais que veux-tu que je te dise? C'est ben, pas c'est grave, ça. Je te pardonne. C'est de la radio, c'est live, ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Faut faire avec ce qu'on a qui dit. Ouais, merci. T'es pogné avec moi, Tania. Ah, c'est ça. Ah, que c'est beau, notre relation. Oh. Aujourd'hui, on parle de télé, n'est-ce pas? On parle de télé, oui, en effet. Je vous parle d'une série américaine, évidemment. Vous savez que la plupart du temps, j'écoute mes séries en anglais. C'est vrai. Alors, si vous les écoutez en français, vous allez devoir attendre quelques mois parce qu'elles ne sont pas encore traduites. Ou années, évidemment. Mais sinon, je vais vous parler aussi d'une mini-série qui est québécoise, mais ça va venir après celle qui est américaine. Cool. Je vous ai parlé durant les deux dernières semaines, à peu près. Mettons. Peut-être trois. Peut-être même le premier mois, quoi. Ah. De séries très, très policières. On se rappelle, j'ai parlé de Quantico, j'ai parlé de Blindspot. J'ai aussi parlé de... Je pense que c'est les deux. Pas mal ça, je pense. Ouais, évidemment. Mais non, aujourd'hui, je vous parle d'une série de médecine. OK. Non, je vous parle pas de Grey's Anatomy. Non, c'est évidemment. Ça. Il y en a comme 1000 séries de médecine à la oui, télé. Oui, mais celle-ci, elle est nouvelle. Okay. Elle est en onde à CBS depuis seulement le 30 septembre. Donc, je vous parle de la nouvelle émission qui est Code Black en anglais. Évidemment, on peut traduire par Code Noir. Qu'est-ce que Code Black? En fait, l'émission commence et ça le dit dans l'émission. Lorsqu'il y a un engorgement des urgences, qu'il y a trop de patients pour le nombre de personnes, de personnel tout simplement, et de ressources qu'il y a dans l'urgence, eh bien, ça devient un Code Black. C'est en fait qu'il y a un trop grand engorgement et que l'on doit s'en désengorger. Oh, est-ce qu'on les tue toute la gang? Non, la plupart du temps, on essaie de les laisser en vie. La plupart du temps, on les laisse en vie. C'est bon. Fait qu'on sait qu'il y a quelqu'un mort. Spoiler alert. Pas encore. Alors, bien, qu'est-ce que Code Black? C'est une série dramatique, comme je disais, de CBS qui a été créée par Michael Seitzman. Donc, c'est pas le même créateur de Grey's Anatomy. Allez pas me dire que ça ressemble à Grey's Anatomy. C'est pas sur le même réseau. C'est pas sur le même réseau. Quantico, c'était le même producteur. Donc, oui, on peut voir certaines, comme je le disais quand je parlais de Quantico, on peut voir certaines ressemblances entre l'émission Grey's Anatomy et Quantico. Mais là, c'est vraiment pas le même producteur. C'est même pas le même écrivain, pas le même scénariste. Ça l'a... À part la médecine, c'est là, ça. Puis en tant que tel, je veux dire, des émissions policières, il y en a des millions aussi, puis exactement. Sont toutes différentes. Exactement. Tu n'allais pas tout me dire que ça ressemble tout à CSI, là. Une enquête, c'est une enquête, à un moment donné. C'est ça. C'est comme un artiste musical, que, parce qu'il y a un instrument en commun qu'un autre groupe, on va dire que c'est pareil comme ce groupe-là. Hey, calmez-vous les ressemblances. Il n'y a pas 1000 sortes d'émissions de télé. Je suis tout à fait d'accord. T'as des émissions en cours, t'as des émissions en médecine, t'as des émissions en police. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme émission? Comment ça? C'est de la science-fiction. Oui, science-fiction, évidemment. Bon. En tout cas, bref. En tout cas, Code Black, eh bien, vous allez pouvoir peut-être reconnaître certains acteurs. Il y a Maria Gay Harden qui avait joué dans, si je me souviens bien, elle avait joué dans Gossip Girl, elle avait joué la mère d'une des filles. Il y a aussi Luis Guzman qui joue dans ça. C'est un gars qu'on a vu dans certains films. Moi, je l'ai vu plus souvent au grand écran qu'au petit écran, okay, en parlant du cinéma qu'à la télévision. Alors, où est-ce que ça prend place? Eh bien, c'est à Los Angeles, dans un hôpital de Los Angeles, évidemment. Ça met en scène Dr. Leanne Rorich, qui est jouée par Maria Gay Harden, qui joue la directrice des résidents. Elle ressemble un peu à la fille de Grey's Anatomy sur l'affiche, ouais, par contre. Ouais, Ellen Pompeo, tu vois. Ouais, c'est ça, exact. Elle a le même petit sourire, genre pas de sourire, là. Genre personnalité, pas de personnalité. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des critères, hein. Évidemment, tu vas tout le temps aller mettre, je sais pas moi, le... Je pensais pas que je suis raciste ou quoi que ce soit. Mais tu vas aller mettre un noir, ouais, tu vas aller mettre, je sais pas moi, une indienne, tu vas aller mettre un homosexuel. C'est ça. Du bingo de la télé. Parce que de toute façon, même si tu t'en vas demain matin travailler dans un hôpital, tous ces critères-là, la plupart du temps, vont être... Exact. Faut représenter la variété que dans le vrai monde. Puis tu veux rejoindre le plus de monde possible. Alors c'est pourquoi pas mettre le plus de caractères et de caractéristiques, évidemment, possible dans ton émission. Tu sais, il y a le cliché de la fameuse blonde qui décide de devenir médecin. Ouais. Et t'as, c'est ça, le personnage principal qui est une fille froide, snob et sans personnalité, parce qu'il faut qu'elle puisse avoir des histoires dépressives dans ses vies. Il faut, puis honnêtement, pour devenir médecin, ça prend aussi un peu ça. Une certaine froideur, mettons, ouais, pour pas être atteint par une goutte de sang, genre, c'est ça? Ouais. Mais pas par une goutte de sang, mais tu sais, si tu te dis à chaque jour, ah, c'est ma faute, c'est mon ouais, tu sais, tu vas finir, mon Dieu, tu vas finir dépressif. Full carapace. C'est ça. Ouais. Alors, je disais que ça met en place Dr. Leanne Rorich, qui, elle, est directrice des résidents. Donc, en fait, c'est elle qui va prendre en charge les 4 résidents qui vont rentrer dans l'hôpital. Il y a aussi Jesse Salander, qui est joué par Luis Guzman, qui joue l'infirmier chef. Donc, lui, il n'est pas médecin, mais c'est lui aussi qui va beaucoup, beaucoup aider Leanne Rorich à disperser ses résidents. Où est-ce qu'on les met aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on leur apprend, surtout? Et Dr. Neil Hudson, qui joue le rôle d'un médecin, mais qui joue aussi un ancien résident de Dr. Leanne Rorich. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que du moment que le premier épisode a été mis en place, ce qu'on a vu, c'est pas justement une espèce d'histoire d'amour comme on a pu voir dans le premier Grey's Anatomy. Ouais. Là, c'est sûr que je vais vous faire une certaine comparaison avec Grey's Anatomy parce que si on parle de série médicale, automatiquement, tout le monde va aller se référer à Grey's Anatomy. Dans les années 2010, parce que si vous regardez avec quelqu'un de plus vieux, ça va être salle d'urgence. Oui, ER, exactement. Qui est pas mal la référence en termes de série médicale. Tout à fait. Des années 90. Je suis d'accord avec toi, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Ben oui. Alors, oui, c'est dans Grey's Anatomy, le premier épisode, je sais pas si tu avais déjà écouté ça, mais tu vois les deux premiers personnages principaux qui savent plus qui ils sont parce qu'ils étaient hangover, okay, mais qui ont quand même couché ensemble. Ils s'en vont à l'hôpital, puis elle se rend compte que c'est son boss. C'est très romancé, hein. C'est très, très, très romancé, mais c'est tout à fait le contraire de Code Black jusqu'à présent. Ça fait maintenant deux épisodes, le troisième et mercredi, qui sont sortis, et jusqu'à présent, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas médicaux. Good, oui. Exact. Moi, on voit pas beaucoup de cas, justement, d'amour et d'histoire à l'eau de rose, mettons. Là. Ouais. Je vais le dire de même, là, mais c'est sûr qu'il y a une certaine histoire qui va se mettre en ligne de compte à un certain t'as point. T'as pas le choix, parce que sinon, des cas médicaux, je veux dire, si tu regardes, mettons, tu mets ensemble Salle d'urgence, Dr. Grey, tout ce qu'il y a eu, il y a des centaines d'épisodes de séries médicales, sinon mais des milliers. Ça. Puis à un certain comment tu vas trouver des nouveaux cas? Ben, c'est ça, des nouveaux cas, puis des nouvelles intrigues. T'sais, pourquoi est-ce que lui agit comme ça? Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Pourquoi ces deux-là agissent comme ça quand ils se parlent? Ouais. C'est aussi ce qu'on voit dans les premiers épisodes entre le Dr. Neil Hudson et Leanne Rorich, qui est son ancien résident, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a comme une espèce de petite tension, mais lui, c'est son ancien élève. Il n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elle, elle va dire, mais les deux sont au même titre des médecins très important dans l'urgence de Los Angeles. Alors, pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? J'imagine que ça va venir au fur et à mesure qu'on va écouter la série. C'est une série de 13 épisodes. Il y a en tout 14 acteurs qui vont jouer pendant les 13 épisodes. Donc, il y a les 4 résidents. Là, j'irai pas tous vous les nommer, là, mais c'est l'histoire de 4 résidents, évidemment. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit pas juste les 4 résidents. C'est une grosse distribution, 14 personnes. Oui, c'est une très grosse distribution. C'est incroyable, même. Mm-hmm. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir de la place pour faire parler tout le monde là-dedans? Honnêtement, le deuxième épisode, là, je capotais. On les voit tous? Ben pas on les voit tous, mais à un moment donné, il y a comme une situation où que la directrice des résidents, Leanne Rarish, est au téléphone avec une de ses résidentes qui, elle, est dans une ambulance avec un patient. Et là, tout le monde parle autour, mais elle lui explique comment faire une incision pour aller chercher un bébé, en fait, pour faire... comment t'appelles ça? Une césarienne. Une césarienne, exactement. Je l'avais en anglais, une C-section. Fais pas de jeu de mots de salade, là, c'est ça. Non. Je l'avais juste en anglais, parce que je l'ai écouté en anglais hier. Mais elle lui expliquait comment procéder à une césarienne dans une salle d'urgence avec trois personnes aux alentours qui sont en train de mourir pendant qu'elle est en train de driller la tête de quelqu'un. Et prendre un selfie. Oui, prendre un selfie. Voilà. Mais c'est ce que j'aime. C'est ça bouge tout le temps durant l'émission. Comme je le disais, c'est beaucoup moins romancé que Grey's Anatomy. On va beaucoup, beaucoup voir des cas médicaux. Ça se passe toujours à l'urgence. Et ce que j'aime beaucoup, c'est niaiseux aussi, mais l'hôpital n'est pas l'hôpital la plus sacoche du monde. L'hôpital est quand même désuet. Tu vois que les ressources sont pas tout le temps à leur meilleur parce que justement, ça met en place le code black, comme ils disent, parce que les instruments, le personnel est désuet. Pas désuet au point où que tu sais pas ce que tu fais, mais désuet en nombre, en chiffres. Ouais. C'est en nombre de moyens. C'est ça, en nombre de moyens, tout simplement. Et c'est ce que j'aime beaucoup de Code Black. Alors, j'espère fortement que ça va continuer comme ça au fur et à mesure que ça va aller dans la série. Je m'attends évidemment à voir de la mourachette. Oui, j'imagine. Tu t'attends à compléter la série, mais ça veut pas dire qu'on va se rendre jusqu'au 13e épisode. Tu sais comment c'est les émissions américaines après deux semaines, si c'est pas un succès... Je fouillais un petit peu hier, puis j'ai vu que les... titres d'épisodes, parce que, tu sais, évidemment, on sait pas tout le temps les titres d'épisodes. Le premier va être le pilot. Après ça, tu vas avoir le deuxième, jusqu'à temps que, oui, ça soit confirmé qu'il fasse la saison au grand complet. Mais là, on a des titres jusqu'à la 9e épisode. Ouais, mais alors, est-ce qu'il y a 9 épisodes qui ont été confirmés jusqu'à présent? Qui ont été produits, probablement. Produits, peut-être. Ouais. Mais si jamais vous voulez voir, ça se joue à CTV si vous êtes au Canada, là, évidemment. Ouais. Mais si vous avez CBS aussi, vous pouvez l'écouter à CBS. C'est chaque mercredi à 9h, si je me souviens bien. Ouais. Dans les codes d'écoute, on dit que le deuxième épisode a tombé d'un demi-point à 1,1. C'est pas super bon quand l'épisode 2 est aussi moins coté. Ben, si tu regardes, là, moi, je l'ai écouté sur Internet. Oh! Oui, c'est Est-ce ça. Est-ce qu'ils prennent en considération toutes les gens qui l'écoutent sur Internet parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'écouter mercredi? Ailleurs, oui, mais pas là. Tu sais, je pense qu'en 2015, tu peux plus seulement te fier à qui l'écoute à la télévision. Tout à fait. Il faut que tu regardes qui l'écoute sur Internet aussi, surtout en 2015. Mm-hmm. Mais bon, ça a quand même été coté 4,5. Sur Allo Ciné. Sur 5? Ou sur 10? Sur 5. OK, OK. Il y a une petite différence entre sur 5 et sur 10. Ouais, non, je te l'accorde. Mais c'est sur 5. Cool. Et sur IMDb, on nous dit que les gens qui ont aimé Blind Spot et Quantico ont aimé Code Black. Hein? Ah, vous voyez? C'est quand même ça, là. C'est solide. Trois séries qu'il nous a présentées qui fit ensemble pas mal. C'est tous de CBS, évidemment. C'est ça. Et si on regarde ce que tu devrais regarder, parce que les gens qui ont aimé Code Black ont aimé ça, il faudrait que tu regardes The Player. OK. Blood and Oil. OK. Et puis la sitcom Grandfather. The Player, je me suis dit que je pourrais peut-être écouter ça, ça a l'air bon. Oh, et Rosewood, excuse-moi aussi. Rosewood, mon Dieu. Non, je sais pas. C'est pas vieux, Rosewood? Non, c'est tout nouveau. J'avais oublié de la mentionner, excuse-moi. Bon. Tu disais quoi sur Blood and Oil? C'est The Player que t'as dit. Hein? Oui, The Player, ça avait l'air très bon. J'ai regardé le premier épisode, puis j'en reparlerai si jamais il y a quoi. Ouais. Je vous parlais aussi d'une mini-série québécoise, en fait. Je voulais tout simplement vous dire que si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le métier, justement, de médecin, d'urgentologue, bien, il y a une mini-série à Télé-Québec qui s'appelle De Garde 24/7. Qui est très, très intéressante. Moi, elle m'a été proposée par un de mes amis qui étudie en médecine et qui a mis ça sur son Facebook. Et j'ai écouté les trois épisodes back-à-back, là, sérieusement. Mm-hmm. C'est très bon. On voit dans quelle sorte de monde est-ce que les médecins québécois vivent et comment est-ce qu'ils s'en sortent et comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous le disais, c'est divisé en trois épisodes. D'une demi-heure chaque, c'est tout court. D'une demi-heure chaque, c'est vraiment court, mais c'est vraiment très bon. Il aurait pu faire juste une heure et demie d'une shot. Mais bon, trois demi-heures, pourquoi pas? Ben, c'est comme la nouveauté des choses, hein, ça, de diviser tout ce qu'on veut faire en pour régner, comme on trois mini-séries. Là. sur Télé-Québec, donc, De Garde 24/7, c'est les lundis à 19h30. Oui. Ben, je pense que ça joue plus, là. D'après moi, c'est déjà terminé, mais vous pouvez aller sur le site de Télé-Québec, qui est zonevideo.télé-québec.tv, si je me souviens bien. Là, je le dis parce qu'il est devant moi. Mm-hmm. Puis, vous pouvez retrouver dans les vidéos, justement, les trois épisodes. Si je me souviens bien, c'est Profession. Profession médecin est le premier. Par la suite, il y a risque de complications. Et je me souviens plus vraiment du titre du troisième, mais ce sont trois mini-épisodes, justement, qui sont très, très, très bons à écouter si jamais ça vous intéresse. Seigneur! Oui? Loin de moi l'idée de te contredire. Le troisième est risque de complications, hein? Non, il y en a 12. Hein? C'est pas fini. C'est pas terminé? On va continuer à en écouter d'autres! Est-ce que t'as vu l'étincelle dans mes yeux? C'est ça, parce que oui, il y en a eu 3, puis après ça a continué, 4, 5, 6, puis là, ça continue à partir du... C'est parce que ça revient à partir du 26 octobre. OK. Pour la suite. Et puis, c'est tous les lundis 19h30 jusqu'au 23 novembre. Ah, ben là, tu m'envoies vraiment ravie. Bon, voilà, tu vois. Alors, merci, Mathieu, de me démentir. C'est pas seulement 3 épisodes, à tous ceux qui veulent le savoir. C'est pour ça que c'est... Ça va être plus que ça, c'est génial. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, finalement, c'est des demi-heures. Mais ça va vous mettre en place dans nos systèmes québécois, ici même. Alors, c'est présenté à Télé-Québec, oui, comme on vous le disait. Et comme c'est très québécois, eux, il n'y a pas de problème avec la variété. Hein. C'est tout des blancs. Non, non, non, non. En tout cas, c'est la photo. Ouais, mais il y en a un qui est blanc, mais tu sais, il est européen, il est français. Ah, OK. Bon. Tu sais, ça se passe quand même à Montréal. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que si t'es à l'hôpital, je sais pas moi, à l'hôpital juif de Montréal, tu vas avoir une diversité culturelle. Voilà. Voilà, voilà. C'est dit. Super. Et je me disais, pourquoi pas... Avec tout ça, on parle de médecine. Pourquoi pas aller écouter une chanson peut-être qui pourrait avoir un lien. On pourrait dire, ouais, ouais. Un lien avec la médecine. En fait, on va aller écouter The Pretty Reckless avec My Medicine. À Assemblage requis. Sur C'est fou. 89.1. Somebody mixed my medicine. Somebody mixed my medicine. Where you hurt, where you sleep, and you sleep, where you lie, and now you're in deep, and now you're gonna cry. Got a woman to your left and a boy to your right. Baby, it's all gone. Somebody mixed my medicine. Somebody's in my head again. Somebody mixed my medicine again. Again. Well, I drink what you leak and I smoke what you sigh. You see across the room with a look in your eye. Got a man to his left and a girl to his right. I start to sweat. Bye. My Medicine par The Pretty Reckless. On l'aime bien, The Pretty Reckless. Hein? Elle jouait, c'est elle qui jouait dans Shrek. Le film de Noël, là, le Grinch. Elle jouait la fille de The Pretty Reckless? Ou c'est la chanson? Petite fille. Ah, pour vrai? Tu sais, petite fille dans The Grinch. Mais, c'est elle, mais c'est The Pretty Reckless. C'est ça, c'est aussi la fille de Gossip Girl. C'est aussi la fille de Gossip Girl. Parce que je me rappelle jamais dans quelle band qu'elle est, mais c'est ça. Puis elle est super bonne, la fille en tant que chanteuse. C'est pas du cheesy comme d'autres actrices qui sont devenues chanteuses. Non, elle est très, très, très. Rock'n'roll, mettons. Exactement. Donc voilà, et on rappelle les deux émissions que tu nous as mentionnées. Oui, je vous ai parlé de Code Black, qui est en anglais, donc évidemment une série américaine, et The Guard 24/7 à Télé-Québec. Génial. Merci, Tania is gonna entertain you. Merci, Mathieu Plante. On fait ça tous les jours à Assemblage Requis. On prend une pause et au retour, plus de C'est un fait, puis après ça, la chronique d'impro dans les coulisses de la lutte. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 13 octobre 2015, il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, une quinzaine de minutes environ, ça va être la chronique dans les coulisses de la Luitre. On va recevoir Gabriel Béhoud et un collègue, un ami. On sait pas c'est qui. Hey, ça, comme ça nous titille l'interrogation. J'aime ça pas savoir à l'avance. Il me l'a dit, mais je me rappelle plus. J'ai comme un doute de ce que tu dis. Là. Moi, j'haïs ça pas savoir à l'avance. T'aimes pas les surprises? Ça dépend lesquelles. Okay, comme, ben, c'est sûr que si tu ouvres ton sac à surprise et tu tombes sur l'hostie, on s'entend que c'est plate en maudit. Mais non, moi, je trouvais ça très bon quand j'étais jeune. Wesh. Je servais la messe juste pour manger ça. C'est pâteux. C'est vrai le pire. T'aimes ça pâteux, toi? Aucun commentaire. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. C'est le moment d'une autre ronde de C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Toutes les sources sont sur assemblagerequis.com, je vous dis tout de suite. Il n'y a rien là-dedans qui est supposé être faux. Là. Non, en théorie. Absolument rien, absolument rien. Absolument. Ouais. Il y a un bateau suédois nommé Vasa, d'accord, qui a coulé en 1628. À moins de 1 mile de distance dans son premier voyage. Il a été construit de façon asymétrique. Là, tu vas me dire, ah ben, c'est peut-être que c'était une technique à l'époque, on construisait des bateaux de façon asymétrique. Non, les archéologues ont appris, en fait, en trouvant 4 règles trouvées par, en fait, utilisées par les travailleurs, ceux qui ont construit le bateau, ils ont trouvé 4 règles. 2 étaient basées sur le pied suédois. Un pied suédois, c'est à mesure 12 pouces, comme le pied qu'on connaît tous britannique. Ouais. Les 2 autres étaient des pieds d'Amsterdam, qui, eux, mesurent 11 pouces. Quand même. Une petite différence entre 11 et 12 pouces quand tu vas à longue échelle sur un bateau. T'sais. Mettons. Le bateau n'était pas drette. Il était pas drette. Ça a pas paru visuellement, le bateau a l'air normal. Oh. C'est quelque chose, hein? Est-ce que tu as déjà vu, ça me fait penser, est-ce que tu as déjà vu le film, en anglais c'est The Age of Adeline? Non, ça me dit absolument rien. C'est, en français je me souviens plus très bien c'est quoi, en tout cas c'est l'histoire de la fille qui vieillit pas à la suite d'un accident de voiture. Là. Okay. Mais à un moment donné dans le film, elle est dans des souterrains avec un... à une date, là, des souterrains de New York, et c'est comme un site archéologique qui a quelque chose qui a été construit, bâti, sur des restants d'un bateau. OK. Mais c'est vraiment cool, je me demande, en fait, si c'est vraiment vrai. Ah! Ça m'a fait penser à ça, ta chronique du bateau. The Age of Adeline. Age of Adeline, yeah. D'accord. Un homme nommé Daniel Balsam. Hein? L'inspiration du vinaigre balsamique, sûrement? Non, pas du tout. Donc, Daniel Balsam, qui était tellement enragé par le par le spam. Il a vraiment dit ça. Par le spam. Il aimait pas le spam. Donc, il a démissionné de son emploi pour aller étudier la loi. Et maintenant, il travaille en poursuivant les spammers. C'est quand même pas pire. C'est vrai. Donc, il est connu pour ses poursuites envers les spammers de courriels. Balsam qui envoie des poursuites donc depuis 2002. Il s'est mérité plus d'$1 million en jugement de la cour. Et Balsam veut publiciser les noms des gens qui profitent de la publicité par spam. Et il veut rendre le spam moins profitable et faire que les compagnies repensent à leur décision de parler de leurs produits par spam. C'est vraiment cool. C'est pas une mauvaise idée. Ouais. Selon les chercheurs de l'université Cambridge, avoir faim, hein, ça fait que les niveaux de sérotonine descendent, dans le fond, les niveaux descendent, OK? Mm-hmm. Ce qui va créer des émotions incontrôlables comme l'anxiété, le stress, être fâché et être triste. Oh. Ça, c'est à cause de la sérotonine quand tu as faim. Un peu comme dans les publicités de Snickers. Oui. T'es fâché quand t'es pas toi-même quand t'as faim. Ouais, t'es pas toi-même quand t'as faim. C'est pas mal vrai, finalement. T'es anxieux, stressé, fâché et triste en même temps. Incontrôlable. Une équipe de débat. Tu sais, aux États-Unis, on a souvent des debate teams. On voit tout le temps des sitcoms ou des trucs basés sur des debate teams. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça au Québec, là, mais des équipes qui vont se débattre avec leurs arguments, un peu comme en cours. Peut-être que ça se fait, mais on le voit pas. Jamais vu ça de ma vie, moi. Jamais vu ça de ma vie au Québec. Okay. Mais bref, il y a des équipes de débat composées de prisonniers. Des prisonniers en prison. Les membres avaient tous été trouvés coupables de crimes violents. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Ils ont gagné un débat contre une équipe d'étudiants de Harvard. Les étudiants de Harvard se sont fait battre par les prisonniers. Quand même. Ça s'est passé à New York. Mais est-ce que ça dit sur quoi est-ce qu'ils débattaient? Donc, après une heure de débat, les juges ont rendu leur verdict. Les prisonniers ont gagné. Le public a applaudi. On parlait, oui, c'est ça. Okay. Donc, les personnes qui débattaient de chaque côté voulaient montrer le pouvoir académique d'un certain programme qui faisait partie de Bard College à Annandale-on-Hudson à New York, qui voulait donner une deuxième chance aux prisonniers qui veulent se construire une meilleure vie. Donc, dans le fond, les prisonniers parlaient de choses qui les touchaient pas mal. C'est ça. Hein, quand t'es en connaissance de cause, la plupart du temps, c'est rare que tu vas avoir tort. Quand t'es d'accord avec ça. Quand tu dois jouer l'avocat du diable, c'est un petit peu plus difficile de débattre pour le côté. Exactement. Le premier... Ah, ça, c'est vraiment, je trouve, super intéressant. Peut-être que toi, tu vas trouver ça vraiment plate comme film. Mais le premier théâtre du monde à avoir été dévoué exclusivement aux images bougeantes, donc un théâtre de film, on se comprend, un cinéma, était à Pittsburgh en 1905. Les fondateurs ont appelé la place Nickelodeon. OK. Parce que le prix de l'admission était un nickel. Nickel, c'est un 5 cents. Dime étant un 10 cents. Nickel, 5 cents. Et Odéon est le mot grec qui veut dire théâtre. Oh. Ou donc un cinéma. Donc Nickelodeon, c'est un théâtre à 10 cents, à 5 cents. À 5 cents. C'est quand même bien. Donc le nom de la chaîne Nickelodeon et les émissions pour enfants Nickelodeon, ça vient de là. C'est cool. Je trouve ça vraiment bien. R. Norris Williams a survécu à l'écoulement. Oui, on va dire ça, l'écoulement du Titanic. Il a passé tellement de temps submergé dans la glace, l'eau glacée de l'Atlantique, que les docteurs voulaient amputer sa jambe sur le bateau de sauvetage Carpathia. Il a refusé l'amputation. Il s'en est remis et plus tard, il a gagné un championnat de tennis américain la même année. Wow. Il était à ça, de se faire amputer. Ça, c'est comme la fausse publicité à un moment donné qui est sortie de Titanic 2. Est-ce que t'as vu cette fausse publicité-là? Non. C'était terrible. C'est comme si... comment il s'appelle dans le film, là, Leonardo DiCaprio? Jack? Ouais. Jack, c'est ça, hein, son nom dans le film? Je sais pas. En tout cas, c'est comme si, quand il est descendu, là, il est pas vraiment mort, tu sais, il est comme freeze up. Okay, il est gelé. Puis là, plus tard, il dégèle. Puis c'est l'homme d'Ancino avec... Mais je te jure, c'est comme une fausse bande-annonce du Titanic 2. Ça a l'air meilleur que le vrai. Ben, il y a beaucoup de gens qui se sont emportés quand ils ont su qu'il allait avoir Titanic 2 puis quand ils ont été capables de démentir la chose. Il y en a beaucoup qui étaient fâchés. Wow. Les gens sont naïfs? Ouais. Faudrait peut-être le refaire, par contre. Peut-être. Avec de nouveaux acteurs. Ça serait cool, hein? Moi, je lance l'idée. Non, moi, je suis pas pour les remakes de films qui sont déjà corrects. Hein. Ben, s'ils le font sans Céline Dion, c'est gars, ouais, c'est intemporel, mettons, tu sais, ouais. Titanic, ça s'écoute... Moi, j'essaie d'écouter Titanic au moins une fois par année. Oh, wow! Ouais. OK. C'est un long film, en plus. Ça, puis toutes les Harry Potter. Ah, ça, je te comprends. Ouais. Il y a une certaine variété. Titanic, je sais pas. Bref. Mais R. Norris Williams, c'est les deux jambes qui a fait se faire amputer. J'avais dit une jambe, pardon. Dans les années 30, deux psychologues ont adopté un bébé singe. Ils ont essayé de l'élever comme si c'était leur enfant, à côté de leur vrai enfant. Qui s'appelle Donald. Attends, le singe s'appelle Donald? Non, leur enfant. OK. Pour voir si ça faisait que le singe allait apprendre les comportements humains. Ils ont arrêté leur expérience après 9 mois parce que leur fils commençait à se comporter un peu plus comme le singe. Et? Oui? C'est Donald Trump, l'enfant. Hein? Non, c'est pas vrai. Tu as chez le quoi? C'est pas vrai du tout. Ça aurait été très drôle, mais non. Ça aurait pu être dans notre fun. Je suis sûr qu'il y en a plein qui arrivent présentement. Probablement. Je m'excuse. C'est correct. Ensuite, le cri de l'aigle. Oui. Tu sais, on entend souvent le cri de l'aigle dans les films. Imite ça. Non. Come on. T'as commencé à le faire en plus. Je l'ai pas fait, j'ai seulement... Mimé les ailes. Donc, Hollywood a décidé de remplacer le cri du bald eagle, hein, l'aigle chauve, qui est un petit bruit un petit peu plate, aigu et plate. Comme ça, là? Hey boy! Pour pantoute, en fait. Est-ce que tu veux l'entendre pour vrai? On va l'entendre. Ouais, pour la fin, okay. Tu l'as-tu? C'est plus comme genre quand tu déplaces un meuble ou quelque chose comme ça puis que ça grince. C'est comme un poussin. C'est comme des gens qui jouent au basket, sinon. Ouais, le glissement des semelles. C'est comme un poussin qui joue au basket. J'suis d'accord. Ah, puis ça gosse. C'est un peu gossant. Donc imaginez si dans les films, quand on voyait un aigle passer, c'était ça. C'est pas nécessairement parfait. Hein. Non. Donc ils ont décidé de remplacer ça par un autre aigle qui s'appelle le Red-Tailed Hawk. OK. Un faucon à queue rouge. Donc voici son vrai cri. Allez. Là, on le reconnaît. Là. Ouais. Puis en plus, il fait une face vraiment virile quand il fait ce cri-là. Là. Allez voir la vidéo sur assemblageriki.com. Mais ça ressemble beaucoup à la fameuse chouette dans Harry Potter. Là. Mais tu sais, là, en phénix. Là, ouais. Le gros. Mm-hmm. Pour les gens qui aiment pas Harry Potter, je suis désolée ce matin. T'as comme une obsession aujourd'hui. Là. Moi, j'ai une obsession vitale avec Harry Potter. On passe des aigles aux petites souris. La Pacific Pocket Mouse, la souris de poche du Pacifique, est un petit rongeur natif en Californie du Sud. On pensait qu'elles étaient en extinction depuis environ 20 ans, jusqu'à ce que 40 de ces souris-là soient trouvées en 1993. Ce sont de toutes petites, minuscules souris qui fitent dans la moitié de la paume de ta main. OK. Environ, les photos encore une fois sur le site, mais c'est tout petit. Et c'est pas juste des bébés souris, c'est vraiment la souris de poche du Pacifique. Mais c'est quand même cute. C'est mignon. Je pense que lui, c'est l'invité. Dis-le pas dans ce temps-là, c'est un invité surprise. Non, mais chut. Personne le voit à part sur caméra 3. Le Panthéon romain, Talia, le Panthéon romain, construit environ 2000 ans, est encore aujourd'hui le dôme de ciment sans renforcement le plus gros au monde. Ah, je pensais que t'allais dire le plus solide. Ben en fait, c'est solide aussi. Les Romains ont utilisé plusieurs méthodes pour le rendre stable. Il y a un anneau de support, de soutien à l'extérieur du dôme. OK. Les arches sont faites dans le dôme et le ciment est coupé en patterns qui ont l'air décoratifs, mais qui en fait servent à rendre le tout plus léger. Ah, ouais. Les Romains ont créé plusieurs types de ciment, du ciment qui peut rivaliser la plupart des ciments modernes. Intéressant. C'est Panthéon cool. Romain. Le plus longtemps que quelqu'un a survécu, on a parlé du Titanic tantôt, dans un bateau, comment dire, shipwreck, comment t'appelles ça, à la dérive. La personne qui a duré le plus longtemps, qui a survécu le plus longtemps, c'est 133 jours. C'est un homme chinois nommé Poon Lim. OK. Poon Lim. Il a survécu à tout ça en pêchant, en buvant du sang d'oiseau et en tuant un requin avec une cruche d'eau. Il est mort il y a 23 ans à l'âge de 72 ans. Je pensais que t'allais me dire que c'est Tom Hanks dans Seul au monde. C'est Tom Hanks. Poon Lim, Tom Hanks, pareil au même. Pareil. Ils viennent de la même place. Ils se sont perdus en même temps. Séparés à la naissance. Et voilà. Qu'on dit. Le plus vieux... On reste en Asie avec Tom Hanks, évidemment. Les plus vieux arbres bonsaï du monde ont été vraiment choyés par plusieurs générations. Ils ont plus de 800 ans. OK. Hein, donc, les arbres qui peuvent grandir pendant des milliers d'années, les bonsaïs, s'ils sont bien entretenus, peuvent vieillir très, très vieux. Donc, très, très vieux. C'est quand même simple. J'essaie de voir les détails de plus. Là, qu'il y avait un arbre en photo sur assemblageriki.com qui a presque 400 ans. Le résultat de 6 générations de dur travail et de patience par la famille Yamaki. Ce qui les rend très spécial, c'est qu'il était à Hiroshima lorsque la bombe atomique est tombée en 1945. L'arbre a survécu et plus tard a été donné au musée National Bonsai and Pinjing Museum à Washington, D.C. D.C. D.C., man. Je me disais que c'était celui à D.C. À D.C., dans le district de Columbia. C'est ça. Y en a-tu d'autres ailleurs? Des Washington, je pense que oui. Ah ouais? Non. Pas sûr, mais... Je pense qu'il y a un Vancouver. Le cri de la bébelle, là, tantôt. Je pense qu'il y a un Vancouver à Washington, mais je pense pas qu'il y a un Washington ailleurs. Je pense pas. Je cherche un Washington ailleurs qu'à D.C., s'il te plaît. Tout en m'écoutant, évidemment. Il y a une femme de 44 ans qui souffre d'une condition très rare qui s'appelle la maladie de Urbach-Wheath. La maladie a détruit son amygdale. qui est la structure en forme d'amande située profondément dans le cerveau. Et ça a enlevé son sens de la peur. Okay. Donc les maisons hantées, les trucs comme ça, attirent sa curiosité, mais ne lui font pas peur. Les araignées, les serpents, même chose. Tout ça la divertit, mais elle ne peut pas avoir peur parce que son amygdale a été détruite. C'est de faire en plus d'autres choses là, qui sont pas mentionnées dans l'article, parce que l'amygdale fait bien des affaires. Mais non, c'est intéressant, je trouve. Est-ce que tu as trouvé un autre Washington? J'essaie de voir, il y en aurait un en Europe, mais là, j'essaie de lire l'article de façon très rapide, mettons. Mm-hmm. Mais non, en fait, c'est une constitution qui a été écrite en Europe, mais qui parle de Washington District de Columbia. Alors, j'essaie de voir. Est-ce que je t'en sors? T'en as-tu? Sur la page Wikipédia, on me nomme des Washington en Arkansas, Californie, Connecticut, Géorgie, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas. Et là, je pourrais continuer jusqu'à... Il y en a comme, je sais pas combien, là, mais une bonne... T'as juste écrit Washington? Il y a une page des ambiguïtés sur Wikipédia. Oui. Il y a aussi des routes qui s'appellent comme ça. Et à l'extérieur des États-Unis, t'as un Washington en Ontario, au Canada. Oh, ouais, je savais pas. T'en as en Angleterre, aux Philippines, en Polynésie française et plusieurs autres. Alors que Vancouver, ça m'intéresse parce que je sais qu'il y en a un, il me semble, à Washington, Vancouver. On va aller voir ça. T'as Vancouver, Washington, oui. Mm-hmm. T'as le Mont Vancouver... À la frontière entre le Yukon et l'Alaska. Ouais. Et quelques autres, quand même. Ah, quand même. T'as aussi George Vancouver. C'est fun, ça. Ouais, j'aime ça. Ça me surprendrait qu'on voit... Y a-t-il un Trois-Rivières ailleurs? Oui, je crois que oui. Sauf que il me semble que c'est Three Rivers. En Europe, mettons? Non. Je crois que c'était en Afrique. On va aller voir. Trois-Rivières. On aime ça faire de la recherche live à la radio. donc, Trois-Rivières... une ville canadienne du Québec. T'as la Guadeloupe aussi. Une commune française de la Guadeloupe qui s'appelle Trois-Rivières. T'as en Martinique. T'es en Suisse aussi. Ah! Un Trois-Rivières en Suisse. Puis Three Rivers. Ah, oh, là, tu me notes à faire, là. Attends un peu. Mettons Three qu'on Rivers. Dit Three Rivers. Ah, j'ai pas mis les S à Rivers. OK. Hey, c'est une série télévisée américaine. Oui, je sais, avec. C'est pas le gars à moustache de. C'est pas Magnum P.I. que je vois là-dedans. Alex Old England. Pas en Ça, c'est le gars dans Hawaii 5-0. Ouais. Ah, là, trop de parenthèses dans les parenthèses. Oui, Three Rivers, en effet, c'est une série télé. Ça a l'air médical en plus, mais regardez ça. Il n'y a pas de désambiguation patente, malheureusement, pour Three Rivers. Fait que tu ne peux pas en avoir d'autres. Misère. Mais cela étant dit, tu nous as amené jusqu'à la fin de la chronique avec tes idioties. Là. Mes idioties, c'est toi qui m'as demandé de chercher s'il y avait un autre Washington ailleurs. Ah! Ah! Il n'y en a pas, mais sais-tu ce que je réponds à ça? Quoi? Je réponds... C'est agressif comme réponse. Tu trouves? Moi, je trouve ça bien. Bon. Allez, on vient après la pause avec la chronique dans les coulisses de la lutte. Restez là. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki, on est mardi 13 octobre. Je t'ai fait peur, hein? Tu m'as fait très peur avec ce cri-là dans la pub. Je fais pas exprès. Mais non. T'as qu'un beau deuil pour te faire peur. Non, bouh! Sûr, tu fais pas exprès. Dans quelques instants, on va parler d'improvisation avec Gabriel Béaud ainsi qu'un invité spécial. Mais avant ça, ça fait longtemps qu'on dit qu'on va la jouer et la semaine passée, on n'a pas eu le temps de la faire jouer. Oui. Là, tu sais de quoi je parle, hein? Je pense que oui. Oui, je sais de quoi tu parles, mais je me souviens plus exactement du titre. OK, ben je vais t'aider. Okay. C'est Mon cœur est fauve de la bronze à Assemblage Reiki. Toi, Comment t'as dit ça, Tania? Je t'ai pas entendu, j'avais une banane dans la réponse. Quoi? Comment? Quoi? Comment? Bien, apparemment, avoir des rapports sexuels le matin serait beaucoup plus efficace pour se réveiller que le café. Ça tombe bien, on est quatre en studio. Non. Non? Je sais pas, j'ai pas de café, moi, à date encore. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Les deux autres personnes qui ne sont pas toi et moi sont un régulier de l'émission et un invité surprise, mais commençons par notre régulier. Voici Gabriel Béhout dans les coulisses de la huître. C'est dans les coulisses de la huître avec Gabriel Béhout. Hey, salut. In the hood. In the hood. Salut Tania, salut Mathieu. Ça va bien. Salut Tania, c'est comme de nouveau salutation. Si ça va. C'est Tania. Salut Tania. À tous. Et voilà. Hein? Oui. Je suis d'accord. Pas d'accord avec ça, toi. Hein? Gab Béhout n'est pas d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est sûr qu'il est d'accord. T'es un peu rabat-joie, Gabriel Béhout, là. Ben là, je reviens d'un congé de 4 jours, Mathieu. C'est vrai, congé de 4 jours. C'est lousse, hein, il s'est fait pousser la barbe. Ben oui. C'est vrai, mais toujours pas le retour de la moustache, on attend ça. Pas encore, non, c'est ça. C'est quand, Movember? Non, d'habitude, c'est un cycle pratiquement ininterrompu de barbe-moustache. Dans le fond, quand je rase ma barbe, habituellement, je suis rendu avec une bonne moustache. OK. Donc, on fait une moustache funky avec ça. Je suis quand même étonné de voir que la plupart des hommes qui ont les cheveux bruns ont la barbe rousse. La plupart? Ouais. Quelques-uns, peut-être. Là, on parle juste de barbe, hein. Guys, ça fait avec le rideau. Bon. Sur ce, on a fini de parler de la barbe de Gabriel. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu roux, par contre. Hier, donc, lundi soir, il n'y avait pas de match. Non, parce que c'était l'action grasse, Mathieu. Oui, ou pour certains, l'inaction grasse. Pour les employés du zone campus, rédaction grasse, qu'on appelle. Ouais, donc hier, il n'y avait pas de match. Ça va aller à la semaine prochaine. Un match entre les rouges et les oranges. Ok, je ne ferai pas un résumé de ce qui s'est passé parce que la seule unique personne qui s'est présentée à la lutte hier, ça ne sachant pas qu'il y avait un match, a fait son propre match et se trouvait bien drôle. Exactement. C'est ça. Oui, oui. Mais ça, on peut le dire. Ben oui. Bon, c'est dit. Semaine prochaine, donc? Oui. La semaine prochaine, oui, entre les rouges et l'orange, dans le fond, les rouges qui est l'équipe dirigée par le seul et unique Gabriel Béhout. Ça dit quoi, ça? Oui, et puis les oranges de M. Alexandre Laramie-Zouéki. On s'attend à un très bon match qui va être officié par Mme Elodie Mongrain. Miam. Est-ce que Zouéki va imiter un aigle? J'en suis pas mal sûr. Ou au moins un corbeau? Sûrement. Si on lui met au défi de le faire, live à la radio, il n'aura pas le choix. Il fait les deux. C'est sûr qu'il fait les deux. Ouais. Good. J'ai hâte. Ben, parlant d'impro, Mathieu, j'ai amené un invité qui fait partie de mon équipe d'improvisation. Ooh. OK, wow, mais qui est-il, moi qui ne le reconnais point? Monsieur Alexandre Marchand. Salutations! Wow, salut Tania, qu'on dit. Oui, c'est vrai. Je suis pas un habitué encore du Mathieu Plante. Je suis pas très réveillé encore à cette heure-là. Ouais, c'est ça. On le connaît, Alexandre Marchand, pour l'émission Matière Noire. Oui, qui joue ce soir, d'ailleurs. Oui, il est à 21h. Ah, c'est fou, 89h. Quel plug incroyable! Oui, oui. Je suis là pour les plugs. Moi, après ça, je vais laisser Gabriel t'entraîner dans son Capharnaüm, j'imagine. Hein? Ben oui, ben en fait, un coup que les plugs sont faits, tout est plugué. C'est fait. Excellent. C'est génial parce qu'on vous a concocté quelque chose de quand même spécial ce matin. Sweet. Parce que là, le monde durant le congé de 4 jours, ils savent jamais quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire de mon congé de 4 jours? Hein? Je sais que tout le monde se pose toujours cette question. Surtout une fois qu'il est passé. Exactement. Non, mais là, c'est en prévision des prochains. Il va sûrement en avoir d'autres. Oui, bien sûr. À Pauque? Oui, à Pauque. Donc, on est préparé. Mais là, notre piste va peut-être être un petit peu caduque rendu là parce que là, nous, on est vraiment des gars de tendance. Dans le moment, dans la mode. Donc, on vous a concocté un petit top 5 des choses in and out à faire durant un congé de 4 jours. In and out, c'est tout par rapport à des relations sexuelles consentantes, j'imagine, c'est ça? Ça faisait pas partie des in and out, mais ça pourrait définitivement être dans les in. Et... Non, c'est ça. Non, juste in un coup, puis après ça, c'est... Pas mal ça. On est rendu à destination. Ouais, exactement. Il y a des oreilles chastes et pures à la radio. Ben, ils sont tous à rythme. Vous êtes terribles, messieurs. Alors, rouge ne faisait pas partie de notre top 5 des choses in. Mais je peux vous nommer une chose in, Mathieu, à faire durant un congé de 4 jours. Vas-y. Ouais. Ben, on n'est jamais assez près. Fait que durant un congé de 4 jours, y a-tu un plus beau temps que ça, surtout avec la température qu'il fait? pour se magasiner des cercueils en couple. Non, mais c'est vrai, l'Halloween approche. Il y a probablement des spéciaux là-dessus. T'sais, c'est très tendance ces temps-ci, des cercueils et compagnie, vampires et tout ça. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a moyen de mettre la main sur des petits secondes mains pas trop chers. Tu sais, à la place d'aller cueillir des pommes, tu cercueillis des pommes, tu sais. Oui, exactement. Cercueillir, c'est ça, là. Hein? Oui, exactement. Et en couple, c'est une belle activité. Tu sais, des fois, tu es dans le milieu de la rédaction de ton testament, puis là, tu te dis, chérie, me semble que il serait temps d'aller magasiner le cercueil, là. C'est jamais, hein, avec les accidents sur la route pendant ces congés-là, il y a toujours c'est un moment opportun, je pense. Ben oui, t'achètes les cercueils, puis les petits kits qui fit, d'un coup, que, tu sais, c'est à 40, tu pognes le champ, puis tu meurs. Ouais, ça pourrait arriver. Bon. Puis si jamais t'es pas avec ta femme, t'es avec ta maîtresse, ben, testament, tu testes ton amant, voir si exactement. Capable. Oui. Exactement. Testament, c'est un testament. Exactement. Exactement, c'est testament. C'est ça. Donc, ça serait pas mal la première activité, moi, je te dirais. Ah, tu commences pas par la cinquième, toi, au fond, comme au fond du cercueil, au fond de ta tombe, mettons, comment? Ah ouais, ça peut être ça, donc il n'y a pas d'ordre défini, parce que c'est toutes des activités non, vraiment top, ça. Super in, tout oui. Aussi bon, okay. Durant un congé de 4 jours. Oui, en deuxième place, ce qu'on vous a trouvé, c'est se faire un maquillage de tigre, puis aller passer l'après-midi au tigre géant. Donc, avec le maquillage de tigre, tu peux faire des blagues aux employés. Mais le plus fun là-dedans, c'est que t'arrives là-bas avec genre 72$ pis t'achètes le magasin au complet. Avec... C'est vrai, chez Tic Géant, avec 72$, tu peux même acheter les employés. C'est ils sont rendus à toi. Oh. C'est exactement. Puis ils sont très réceptifs à ce genre d'humour, j'ai entendu dire. Vraiment, là, quand le monde arrive avec des maquillages de tigre, c'est l'hilarité assez instantanée dans le magasin. Là. Ils capotent. Et non pas Cécile capote, là, ça c'est un lion. Oui. C'est pas un tigre, Cécile, le lion. Celui qui s'est fait tuer par un dentiste. Ouais, c'est ça, il est décédé. Oui. Renfonce donc le couteau dans la plaie. C'est ça, il est trop tôt pour ça, tout sous. Tout sous. Hashtag tout sous. Oh, ouais. Oh ben, boy. Parlant d'hashtag tout sous, le troisième top 5, oh boy. C'est de se présenter dans des endroits où ils donnent des échantillons gratuits, mais genre toute la fin de semaine. Genre, tu vas chez Sears, tu te fais faire ton maquillage. Après, tu vas chez Costco, tu manges toutes les affaires pas possibles. Après, ben, tu vas essayer tous les divans chez Sears Décor. Partout où il y a des échantillons, tu vas là. D'ailleurs, faut faire attention, par exemple, parce qu'au Costco, il y a toujours un kiosque piège. Ce kiosque-là, c'est celui où ils font des démonstrations, genre de produits nettoyants, un truc comme ça. Faut faire attention pour pas le manger à ce moment-là. Bois le pouce. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Puis aussi, une autre affaire pas pire avec ça, c'est que, tu sais, normalement, tu te dis, ça devrait être un échantillon par personne, mais il y a toujours moyen de repasser subtilement en faisant des drôles de faces comme, oh, je t'ai pas passé si vous redonnez l'impression que, tu sais, pogne pas deux fois, tu sais, du petit poulet, genre à... Ça, là, est bon, ça! Oui, c'est ça. Mmh. Oh, là, je vais tellement en acheter! Ouais, puis là, t'en prends deux copes en disant, comme, m'en amener à ma blonde! C'est que, t'sais, c'est... Dans le fond, t'en as pas! Oui, c'est ça. T'es tout seul au Costco, mais ça passe, c'est quand même pas pire. Mais si tu vas chez Costco le matin, après ça, tu vas chez Sears, tu te fais maquiller, puis tu vas chez Costco, il te reconnaîtra pas. Ben oui, exactement. Tu déjeunes, tu soupes. C'est ça? Ouais, c'est la ça. Solitude. T'as fait couper les cheveux, peut-être. Puis t'as plus d'argent, comme t'as dépensé ton 72$ au Tic Géant. Fait que, exactement. C'est ça. Ils coupent-tu les cheveux chez Costco? Je sais pas. Sûrement. Je sais pas, moi, ce qu'ils font chez Costco. Je vais pas, là. Tu pourrais peut-être saouler la personne aussi, mettons, qui t'accompagne. Oui. Comme ça, tu peux avoir peut-être des relations sexuelles consentantes oui. à la fin de ton Costco. Exactement. Tu as pris les petits shooters dans la section de l'alcool. Ouais, c'est Costco. Ça. Ou les shooters de nettoyant. Très. Alors, ça serait peut-être pas consentant comme relation sexuelle, par contre. Ouais. Elle consente. C'est le plus rien de c'est très cas. Érotisant aller chez Costco. Ouais, ouais. Tu peux acheter des boîtes de 72 condoms. Ah ouais? Exactement. Oh, ouais. Tout ça, ça va être différent. Moi, oui. j'en profite toujours pour m'acheter mon 6-pack de 12 packs d'eau de Javel. Ah, ben oui! C'est toujours très pratique. Ouais. Ouais. Donc, ensuite, quatrième place des choses in à faire dans un congé de 4 jours, nous avons allé voter masqué. Mais plus précisément, voter masqué en luchador et faire des passes de lutte aux employés. Ou aux bénévoles, en fait, là-bas. Ouais. Oui. Fait que... Okay. T'arrives là-bas, tu parles seulement en espagnol, tu manges quelques tacos, et puis wabam, tu y pètes une chaise dans le dos. Wabam. Là, tu parles évidemment d'aller voter pour la saveur du mois chez Chocolat Favori, là. Mettre une balle de ping-pong dans la fente. Ben, toutes les occasions sont bonnes pour aller voter exactement. Masqué, on vote. Pense. N'importe quand, à vos assemblées générales étudiantes, le vote fédéral, le vote... n'importe quel vote, c'est une occasion d'être masqué. Vote. Exact. Voter pour la justice déguisé en Batman, c'est toujours très bon. T'sais. Dans le fond, n'importe quel masque. Le luchador, j'avoue que j'ai un petit faible pour, là, mais ouais. Pas mal n'importe quel. Et après quel ça, je profite comme un peu de ce moment-là pour proposer une idée quand même assez pas pire, c'est-à-dire passer donc l'Halloween pas masqué après, genre juste pour fucker le chien. Tout nu. dire que vous êtes déguisé en électeur normal. Oui, c'est ça, exactement. Oui. J'exerce mon droit de vote. Merci. Après, tu repars avec des petites barres de chocolat format collation. Malade. Excellent. Malade. Oui. Là, maintenant, il faut bien que ça finisse un jour, les activités in, hein, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, les affaires in à faire. Non, hein. Ça, parce qu'il y a surtout des choses out, mais on a une dernière in pour vous. Ça, c'est un autre palmarès, les out. Oui, oui, oui, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Wow. La chose la plus in, c'est chanter du black metal, mais a cappella. Fait que ça peut donner quelque chose dans ce style-là. Fait que ça, c'est très in, ça. Vous pouvez faire ça pendant 4 jours, puis après, plus parler pendant 2 semaines. Parce que vous aurez plus de voix, évidemment. Ouais, c'est ça, j'ai plus de Wii non plus, je pense. Non. Je l'ai vendu pour acheter une Wii U. Oui, exactement. Gag de geek, c'est une gag de geek. Elle est excellente. Merci. Sell your Wii for a Wii. T'as gâché la joke en l'expliquant trop. Ouais. Il y avait eu un concours qui s'appelait Hold your Wii for a Wii. T'as-tu vu ça? Il y a une madame qui est morte. En vrai, ses reins, ses reins ont été déficients parce qu'elle a retenu son urine. Ok, trop je pensais longtemps. Que c'était son pipi qu'il fallait qu'elle. Non, non, c'est son... ça, c'est ça. Non, mais son pénis. Son pénis. Céline. Ok. Ouais. C'est pas ça. Parlant de pénicilline, ça, c'est très out, genre de médicament des années 30. C'est vrai. Ok. Là, on est rendu dans le top 5 des affaires out. Si vous voulez avoir l'air d'un gros loser durant un congé de 4 jours, c'est ça que vous faites. À la place d'être un luchador, ça va être un lose cheddar. Exactement. Ouais. Perdre son cheddar. C'est en plein ça. Le fromage en général, dépendamment des sortes, ça peut être in ou très out. C'est souvent très out. Le boursin, hein, très out. Ouais, très out. C'est le boursin, bien ordinaire. Ben, première des affaires out, là, moi j'ai essayé de faire ça toute la fin de semaine pour me rendre compte que finalement c'était très out. Je vais aller me faire rembourser ma télécommande universelle chez Radio Shack. T'as-tu déjà essayé ça, toi? Très out comme activité. Non. J'ai fait ça pendant 4 jours. Tu l'avais j'ai acheté désespéré. Quand, hein? Tu l'avais acheté quand? En 2002. C'est ça, c'est il y a des dates. C'est pas 30 jours. D'ailleurs, semble-t-il que le ratio de Radio Shack au nombre de personnes de la population est très, très, très, très bas. C'est ce qu'on appelle le Ratio Shack. Oui, exactement. Ceux qui sont pas courants. Oui, exactement. Et le Ratio Shack au Québec est rendu pas mal presque dans le négatif. Hein, fait que... C'est un pour chaque personne, ça dit dans le nom. C'est un Ratio Shack. Oui, exactement. Exactement. Puis moi, j'aimerais, tandis qu'on est dans le sujet, là. J'aimerais ça qu'on renomme ça, les télécommandes universelles. Okay. C'est zéro universel, cette histoire-là. OK. Tu peux pas contrôler aucun univers. Non, c'est zéro. Zéro. C'est vrai, ça, quand on y pense. L'utilité est très limitée. Genre, pour l'instant, on a réussi avec des télés, puis c'est pas mal tout, là. C'est ça. Le mot télécommande fonctionne, parce que ça commande ta télé. Ouais, mais... Peut-être que tu peux te commander une télé. Non, là, c'est ça. Exactement. Non, exactement, c'est bien que des maudits mensonges faits par Radio Shack, encore une fois. Ah, sont indomptables. Ouais. Ferme tout. Deuxième chose, quand même out ces temps-ci, là, on parle d'écouter le Canadien, mais écouter le Canadien plus particulièrement à la télé. Le monde qui l'écoute, là. Ouais, le monde qui l'écoute à la télé ou à la radio, là, ça, c'est très out. Là, oui, on, ce qui est plus in, c'est écouter le Canadien, mais de manière alternative. Exact. Donc, c'est se mettre nu dans un champ dans et champ, méditer. Oui. En pensant au Canadien. Ouais, là, on parle vraiment d'écouter le Canadien. Il faut écouter ses sens un peu, là, écouter son Canadien chakra. Intérieur, exactement. Son chakra, ouais, ouais. Ça, c'est transcender les médias traditionnels pour trouver la fibre canadienne de Montréal en nous. Wow. Le sens du toucher, il va où là-dedans? Le bâton du. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est le fun, c'est que tu peux pratiquer ton slap shot avant. Slap shot. Slap shot. Une autre affaire là, qui est très out, là. Jouer au Ouija dans un congé de 4 jours. Okay. Parce que si vous voulez que votre congé de 4 jours se transforme en film d'horreur interminable, jouez au Ouija. Moi, toutes les personnes que j'ai connues qui jouent au Ouija dans les films, à la télé, mes amis, ma grand-mère, tout le monde, ça a mal fini cette histoire-là. Ouais, c'est très dangereux, hein. On le dit pas assez souvent, puis il y a pas rare. Assez de campagnes de sensibilisation. Puis après ça, la prochaine chose que tu sais, c'est qu'il y a eu un party du monde qui joue au Ouija, puis 7 morts. C'est pire que de l'héroïne, c'est en vente libre, cette histoire-là. Non, mais c'est vrai. C'est pas nous qui disait qu'on devrait essayer ça en onde. Ah ouais, c'est plus toi, je pense. Parce que c'est, ouais. Moi, t'as dit, je te déconseille de faire ça. Premièrement, ma mère tu seras aussi pas en mode. Toujours déconseillé de jouer au Ouija. Non, tu seras pas en mode, puis en plus de ça, tu vas genre hanter le studio pour toutes les autres émissions à venir. C'est vrai, vous avez raison. Tu sais, on n'en a rien désolée. À faire, là, du fantôme de ton arrière-grand-père qui vient nous déranger toi, pendant notre émission. Tu nous aimes pas, Tania? T'aimes oui, pas oui, les vivants? Je vous aime. T'es pas connecté avec la vie. Ouais, c'est ça. Les vivants ne te suffisent pas. Il faut il faut que tu ailles chercher les morts. La télé-réalité américaine là, sur NBC, là, American Ninja Warrior, est-ce que vous connaissez ça? Oui, oui. Ninja Warrior, ouais, oui, c'est dangereux, ça. Ouais, c'est oui, ça, vraiment. C'est une course à obstacles avec des planches Ouija. Oui, ouais, c'est vraiment. C'est vraiment rempli de fantômes. Ouais. Ouais. Faut que tu sautes par-dessus. On est toujours en train de faire des jambettes, ça. C'est ça, des jambettes. Puis quand ils regardent, ils bougent pas. Ouais. Plus tu te vis de dos, plus tu te mets le cours après. Ça plaît ça. Ouais, moi, ça me hante. C'est animé par Chantal Lamarre, cette émission-là. C'est un mélange de plein de choses. Hein. Ouais, j'ai joué Ouija une fois en 1998, depuis ce temps-là. Il s'en est jamais remis. Crime, non. À chaque fois que je me plante en public, je suis comme c'est le maudit fantôme du Ouija. C'était qui le fantôme? Hein? C'était qui que t'invoquais? J'invoquais René Lévesque. Oh, ouais. L'invoquait. Finalement, il n'est pas venu, il t'a dit que c'était pour une autre fois. Exactement. C'est ça, hein, c'est exactement. On parle de Chantal Lamarre. Oui. J'ai entendu dire qu'elle allait faire un remake de Les Zigotos. Eh yeah, boy. Là, ça allait s'appeler Chantal la mort maléfique. Oh. La mort maléfique. Mathieu, t'es excellent. Merci. Le père d'un de mes amis nous a annoncé un moment à la fête de mon ami. Ben fier. J'ai déjà sorti Chantal Lamarre. Ouh! C'est très vrai. Si seulement je savais qui était Chantal Lamarre. C'est celle qui n'est pas Chantal Lacroix. Ah, ok, c'est pas celle-là. C'est ok, ouais, ouais, c'est bon, je la replace c'est maintenant. Celle-là, c'est ouais, celle qui n'est pas rousse. Ouais, exactement. Ouais. Celle qui n'est pas rousse. Folle. Là. Celle qui n'est pas folle. Calais. Non, non, mais là. Hey, wow, ouais, là. C'est elle jouait pas dans. Hey, c'est pas Chantal Lamarre que je voulais dire. Ouais, c'est Chantal là, Lacroix, tu voulais dire, toi, je suis sûr. Non, mais c'est Lamarre intro out first. Ben c'est ça. Elle met des patates dans le micro-ondes d'Infoman. C'est Chantal Lacroix que je voulais dire. Il y a une raison pourquoi on l'a pas. Tu sais, pourquoi je me rappelle pas. Je m'aurais dit qu'elle était pas rousse, out. Mais les deux sont rousses. Ouais. Chantal Lamarre est rousse. Chantal Lamarre, c'est celle d'Infoman. Oui, exactement. Chantal Fontaine, je pense que ça, c'est Virginie. Oh. Hein? Là, il y a trop de Chantal au Québec. Ben là, je sais bien. Il y en a au moins ouais, plus ça, c'est trop. Virginie Chantal Fontaine. Il y a plus de Chantal que des Radio Shack, tu sais. Il y en a. Ouais. Donc, revenons à nos moutons. Ouais, qu'est-ce qui est out, guys? Une quatrième chose out à faire pendant votre congé de 4 jours, c'est profiter de ce temps-là pour changer toutes vos photos Facebook pour des photos de bébés. Ça, c'est extrêmement out et je m'explique. Hein, moi, c'est out parce que ça crée une confusion assez incroyable. Moi, j'ai des amis Facebook. Là, je veux leur envoyer un message où il y a des personnes qui m'ajoutent, puis je me rends compte que c'est des bébés soudainement. Fait que là, il y a toujours une confusion. Ben, je me demande, est-ce que ces personnes-là ont voyagé dans le temps? Puis maintenant, c'est rendu des bébés. Ah, ou c'est des bébés ultra connectés avec des tablettes ou des doigts et toute la patente. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Je sais plus quoi faire avec ces personnes-là. Donc, l'identité, vraiment, c'est vraiment difficile. Et semble-t-il que maintenant, les employeurs vont vraiment vont stalker vos Facebook, des fois, pour voir quel genre de personne vous êtes. Si à ce moment-là, ils tombent sur un bébé, ils font comme, mais là, j'emploierais pas un mineur. Donc, à ce moment-là, tu sais, c'est un bébé. Il m'avait caché que c'était un bébé. Tu sais, à ce moment-là, ça peut être. Cacher de nos jours avec la technologie, le latex qui appelle. C'est ça, ça peut être malaisant. Fait que c'est très out de faire ça pour le bien de vos amis. Là, moi, je pense que je pousserais la note plus loin, même Alex. Je dirais que les bébés, c'est très out. Oui, oui, ouais. Effectivement. Ça, là, on devrait sortir ça juste à partir du moment où ils ont 13-14 ans. Oui, okay. Exactement. Fait que, le restant du temps, tu les laisses dans une pièce sombre. Ben, dans un baril, je pense, pour qu'ils prennent la maturité. Exactement. Oui, oui, c'est ça. Ça cuve. Ça, oui, c'est ça, ça cuve, exactement. Ouais. C'est ça, jusqu'à maturité, puis là, tu le débouches, puis t'as. C'est comme quand tu dis jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est en plein ça. Sauf que là, tu vas jeter l'eau de déchets de bébé qui a pris, j'imagine. Avec le bain. Avec le bain, dans le baril. Exact. C'est ça. Ses odeurs corporelles sont toutes au fond. Ben oui, sa petite saleté de bébé, là. Fini. C'est que du bacon là-dedans, après. Tu reviendras, mais que tu sais sale comme un enfant de 14 ans. C'est ça. C'est comme les Chantal. Les Chantal et les bébés, on met ça la hache là-dedans. C'est ça. Ben oui. Parlant de hache, hey, t'as de parlant la soupe. Parlant de hache. Une autre affaire qui est très, très out, là, durant le congé de 5 jours. Et crème ça, c'est l'affaire. Là, honnêtement, c'est l'affaire la plus out. Là, ça me lève le cœur. Rien de plus out que ça. C'est dégueulasse. Le steak haché. Ah, en général, mettons les gens là, qui en profitent pour manger des hamburgers ou ben non, des petits steaks hachés avec de la sauce brune durant le congé de 4 jours. Là. Le steak haché, c'est hâte en crime. En plus, c'est d'autant plus hâte si vous essayez de vous faire une chevelure avec du steak haché. Ça, c'est dégueulasse. T'as-tu vu ma nouvelle coupe de cheveux en steak haché? Hey! Ça, là, c'est vraiment passé de mode. D'ailleurs, moi, je tiens à souligner ce qui est out, c'est justement essayer de voler du steak haché à l'épicerie en le cachant en dessous d'un genre d'un d'un long manteau, là. D'un manteau ou d'une veste kangourou, mettons. Okay, ouais, puis ouais. Là, t'arrives pour passer subtilement devant les caisses, mais là, il commence à dégeler, puis là, tu saignes du ventre. On a tous déjà vu ça au moins une fois. Ben oui. Là, puis là, souvent, le commis va vous interpeller en faisant « Monsieur, vous saignez du ventre ». Puis là, les personnes sont comme genre « Ouais, j'ai une grosse plaie ouverte, genre. » Puis là, ils s'en vont, tu sais, comme « Full bite, genre, j'ai une plaie ouverte, tu poses pas de questions. Ouais. » Puis là, c'est ça. Puis c'est vraiment malaisant aussi, tu sais, quand t'es client, puis tu vois ça, puis tu le sais, il est en train de cacher du steak haché en dessous de son hoodie, tu sais. Là, t'en voulais, puis il en reste plus, puis là, tu sais, l'autre le prend. Mais non, t'en veux pas, parce que c'est très haut, Mathieu. Ah, excuse-moi, tu veux. Non, ça, t'en veux pas. Tu veux du steak, mais pas haché. Mais le maigre, l'extra maigre, le super extra maigre, tout ça. Toute la gang. Parce que tu le sais qu'il est pas vraiment maigre, là, tu sais, je veux dire. Steak haché, c'est pire que l'essence, c'est à peu près 8 sortes de steak haché. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis les cartels du prix du steak haché, ça aussi, faut pas encourager ça. C'est haut au bout. Les jartels aussi du cartel quand ils se mettent en steak haché. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Ça, c'est très, très out. Faites pas ça. Des gens de saucisses. Ah, ouais, c'est ça. Saucisses. Hein? That's saucisses. Ouais, en plus, tout le monde le sait que, tu sais, tu veux pas pogner le colis, ben mange pas de steak haché. Ben, lâche les facteurs, c'est pas pogner le colis. Oui, c'est ça, exactement. Les facteurs qui distribuent du steak haché. Ben oui. Mais ça, c'est un autre débat. On pourra discuter un coup que notre gouvernement fédéral va être élu. Exactement. Ça nous donne du matériel pour une prochaine fois. Oui, oui. Oui. On met ça sur le rond en arrière comme du steak caché. Ah, mais là, faut que j'arrête de parler de comment je fais que mon steak caché, c'est plus à la mode. C'est ça. C'est ça. Que, là, les gens savent maintenant tout ce qu'il y a à faire, là, qui est à la mode et quoi ne surtout pas faire pour avoir là des gros tatas pas à mode durant un congé de 4 jours. Juste pour être sûr, la sauce à steak caché, c'est encore correct, ça? Ouais, c'est correct, ça. C'est-tu au steak caché ou c'est pour steak? À steak caché, je pense. Hein? Ouais, c'est très pour... correct. Mais c'est ouais, du moment que tu la mets genre sur du poulet ou du porc, quelque chose. Ou un steak, mais pas haché. Tu mets pas un bon T-bon. Ouais. Tu mets de la sauce à steak caché. Ou sur le corps de quelqu'un, puis tu le liches. Ouais, mais ça, c'est si tu la trouves, hein. Parce la personne? Non, la sauce. La sauce, ok. Faut que tu demandes où c'était caché. Parce que d'habitude, elle est en arrière, dans le fond de l'armoire, à gauche. Exactement. Je parle de la personne, pas de la sauce. Ouais. Ouais, il garde sa blonde dans le garde-manger. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Et Chantal. Ouais, ouais, les et deux. Et Chantal. Tu sais, ça veut tout jouer au Ouija, ce monde-là. Oui. C'est ça. C'est notre top 5, mais c'est ça. J'espère que vous avez aimé le top 5 des choses in and out. Bon, on a trouvé ça, je veux dire, c'était correct dans le sens que c'est des affaires qu'on a besoin de savoir. On se croirait au show du matin, tu sais, à c'est le bonjour, mettons. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Puis on fait sûrement la même chronique, fait que là, je me sens comme un petit peu comme. Est-ce qu'on imite les autres? Es-tu Gino Chouinard? Suis-je Gino? T'sais? En tout cas, si oui, ma grand-mère, elle tripe sur toi. Ah, Colin, c'est ce qu'elle m'a dit hier. En tout cas. Oh! C'est ce qu'elle m'a dit hier. C'est plutôt malaisant. Vraiment? Hein? Moi aussi, je trouvais ça malaisant. Hey, tout à l'heure, on se demandait s'il coupait les cheveux chez Costco. Ouais. J'ai la réponse, c'est non. Ah, cool. Après vérification. Après vérification à Frédéric qui m'a envoyé la réponse. Merci d'être aussi attentif à une demi-heure, une heure de délai. Hey, Tania, ouais, ben là, je cherchais la réponse. Que tu fasses une autre recherche parce que je me demande ça depuis un méchant bout. Je suis comme attirée au recherches. Le Dr. Pendragon. Oui. Ouais, ouais. C'est qui, ce monsieur-là? Là, on parle du co-animateur de rock classique et l'animateur de réanimation les mardis soirs à 19h sur CIFU 89,1 FM Radio Campus de Trois-Rivières. Exactement. La seule radio qui passe du vrai rock à Trois-Rivières. Exactement. Je cherchais pas ailleurs, il n'y en a pas d'autre. Exact. Ouais, ça, c'est quelque chose. Mais si tu tapes Dr. Pendragon sur Google, il te sort des affaires, hein? Ah, ah oui! On voit-tu sa face? Sur mon site de réanimation? Il existe. Oui. Exact. Non, mais c'est parce qu'il faut pas te confondre avec le héros pour enfants, Dr. Pénis d'Aragon. Ça, c'est un autre personnage. C'est pas la même chose. Qui est ça? Dr. Payne et Sinistros. Il a l'air d'un genre de zombie. Ça dit que. Il est issu d'un monde irréel et démentiel. Ah! Un monde tordu dont les seules limites intangibles sont sa folie et. Insanité. C'est pour ça qu'il faut pas jouer à Ouija. Parce que ça l'invoque des messieurs comme Dr. Pendragon. Ouais, puis après ça, ils viennent te faire des émissions de rock pis de métal. Ça corrompt la jeunesse. Ah oui, ça dit que les manipulateurs génétiques et psychiques y consacrent son existence à la récupération, la réanimation post-mortem des corps inanimés. Ah ben, fais du compost. Ça a l'air d'un ben bon Jack, ça, le Dr. Pendragon. Ben oui. Ouais, elle continue à le voir en vrai. Enfin, je pense que Gab, il est vraiment mystifié à voir. Mais moi, c'est... En vrai, son identité est très... T'as jamais rencontré le Dr. Pendragon? Alain Lefebvre, je l'ai déjà croisé. C'est un chic type. Oui. Mais le Dr. Pendragon, j'aimerais ça le voir. Parce que moi, dans ma tête, il est genre niveau 80, ce gars-là. À World of Warcraft ou à Donjons et Dragons? Tout. À toute la gang? Dans la vie. Dans le niveau 80 au jeu de la vie. Wow. Exactement. Il y a tout le kit d'armure qui fit ensemble. Ah ouais. En écaille de dragon métallique. Ouais, en tout cas, ce gars-là, j'ai hâte de le voir un jour. Tu sais, il va falloir qu'il soit à la hauteur des attentes de Gab, je pense. Si jamais vous voyez une wyverne parquée quelque part à l'UQTR, faites-moi signe. Je suis sûr que c'est le Dr. Pendragon. Je vais le démasquer. Ah, ben, Colin, ben, reste c'est dans le studio. Gab va lancer une chasse au Dr. Pendragon. Lui et Carmen Sandiego, c'est le même combat. Mais où se cache Dr. Pendragon? Ah, ouais. Mon Dieu. Bon. En tout cas, bref, il est dans le dictionnaire des noms malpropres, je pense. Docteur Pendragon. Ouais. Ouais. Peut-être. Peut-être. Merci, Gabriel Béhoud. Hey, ça fait plaisir. Et ton invité spécial, Alexandre Marchand. Merci, ouais, Alex. Merci. Ça fait... c'est ce qu'il fait. Merci de nous avoir accueillis. Il porte un macaron avec son nom pour être sûr que je mélange ouais, pas ouais, Gabriel j'ai et Alexandre. Un petit name tag, ça n'a aucun rapport avec le fait que je m'en vais travailler dans une demi-heure. Absolument pas. Ça n'a aucun rapport. Mais non, voyons. Pas chez Radio Shack non plus. Non, c'est moi, non, vraiment pas chez Radio Shack. Merci, les gars. Hey, ça fait plaisir. Toi, tu repasses quand tu veux, Alexandre. Ah, oui, parce que je me réveille souvent à cette heure tôt. J'en doute pas. C'est mon heure préférée. C'est la meilleure heure. J'adore être réveillé à cette heure. Et Gabriel Béhoud qui a pris la chronique la plus tard dans l'émission pour justement avoir à se lever le moins de bonheur possible. Je le comprends. C'est ça où que je fais ça d'habitude vers 8h30 quand je me réveille. C'est ça. Et on se retrouve mardi prochain à 9h. Oui. Pour une autre chronique dans les coulisses de la lutte. Et ton collègue Gabriel Boutant-Train-Houd va être de retour. Oui, certainement, prochaine. Parce que n'oubliez pas, lundi soir prochain, 20h, Chasse-Galerie, le match qui oppose des rouges aux oranges. Ça c'est-tu va quoi, être Mathieu? Écœurant. Hein? Ça coûte rien. Hein? C'est gratuit. Ben trop cher. C'est malade. J'ai une canne de sauce à steak haché. Non, là, Mathieu, tu dépasses les bornes. Excuse-moi. Même j'en veux toujours plus. Stéréo plus. Ça aussi, il n'y a personne qui parle de stéréo plus. En tout cas. C'est une autre histoire, ça. C'est une pin, ça. Ça prendrait une autre demi-heure aujourd'hui. Ah, on y reviendra. Mais nous, pour l'instant, c'est tout pour cette édition d'Assemblage Recu. C'est déjà tout. D'Assemblage Recu. J'ai vraiment dit Assemblage Recu, je ne sais pas si on marque. Moi, je pense que je l'ai marqué. Ouais. Ouais. On est là du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Demain à l'émission, on sera mercredi, oui déjà. On a déjà 2 jours de fête, incroyable. À 7h30, on aura déjà. Alexandrine Pichessire. À 8h, Sébastien Vigartin. 8h30, Frédéric Bernard. Sur nos ondes, à 11h, il y a Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, c'est Rock de Neuron. À 15h, je serai de retour avec les palmarès C'est fou, le top 40 de la semaine. À 19h, le susmentionné Dr. Pendragon avec Réanimation. Et c'est.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci à Gabriel Béhoud, merci à Alexandre Marchand, merci à Marie-Laurence Audet, toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir et on se quitte là-dessus. À demain. À demain matin. Bye. C'est l'heure du café. Coucou.